Allô. Bonsoir, c'est Elena. Salut Elena. Ça va Elena? Oui, ce serait pour faire une dédicace. Vas-y, on t'écoute Elena. Alors, je fais une dédicace à tout à la classe de la 4e C du collège de Poisy. Ok, c'est tout? Oui, à ma famille et à toutes mes amies qui m'écoutent et qui m'auront reconnu. Eh ben, y a pas de problème. Salut. Tu veux ton pack Lavin Fun, Elena? J'ai 13 ans, donc merci. Et ben là. Pourquoi tu le veux pas? Mais on peut enlever les capotes et laisser tout le reste, tu sais. Bah bien sûr, attends. D'accord, au revoir. Au revoir. Salut. Bisous. Je pense qu'il y a maman derrière. Oui, je pense. Et que c'est compliqué. Et dès qu'on parle de capote, là, c'est vite, vite, vite, au revoir. Heureusement qu'il y a des albums et tout dedans. Aussi. Ouais, carrément. Des stickers. Hein. Y a stickers, masqués. Compilation, photos des préservatifs masqués. Des godes. Si, il n'y a pas de godes. Ah, pardon, Michael. Je vous demandais autant moi. Non, mais je sais que je me disais, vous faites des trucs chelous avec Polo régulièrement dans le bureau. Non, c'est top. Je suis spécialiste en trucs chelous. Il y a la photo de Michael à poil. Oui, tout à fait, oui. Mais ça vaut cher. Allez où cette photo? Comment tu sais ça, Doc? T'as vu ça où? Je sais tout, moi. Mais c'est quoi cette histoire c'est de photo? C'est parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit, écoute, je voudrais vraiment te voir tout nu. Je lui ai dit, écoute, Doc, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas, quand même. Donc, je lui ai montré dans le bureau, quoi. Mais c'est fermé, hein. C'était médical. C'est dans un coffre. Oui, c'est médical, voilà, c'est ça. C'est le secret médical. Et il a fait un toucher rectal à Toff, mais bon sang. C'est vrai, Doc, si on a un petit problème à l'anus, tu peux... Ah oui, c'est ça. Et il ne dira rien. Secret professionnel. Exactement. Oui, je voulais voir si le doc pouvait me vérifier la prostate. Bien sûr, oui, à ton âge, oui. N'hésitez pas. En attendant, le doc m'a encore parlé de Sandro aujourd'hui. Hein. Je veux pas dire. Ouais. Non. Il m'a dit, elle est vraiment charmante cette assistante. Ouais. Bah oui. C'est pas une assistante. C'est exactement ça. Mais non, mais c'est surtout que quand il veut, hein, le doc, il y a pas de problème. Ouais. La porte est là, il vient, il rentre comme chez lui. Oh non. Dis donc, doc, si t'avais vu. C'est un bon parti, le doc. Ouais, oui, clairement. Bon, ouais, et qu'est-ce que vous faites alors du coup là pendant toutes vos journées de congé qui suivent là, qui vont suivre? Bah, je bosse, mais bon, tout va oui, bien. Toi oui, mais Carrel là qui fout rien là. Non, mais je vais passer 3 jours à New York là, je vais me détendre un peu. Ouais, genre, hey, tu devais pas dans un bar à pute hier soir? J'y vais d'abord et ensuite après je pars. Oh là, quel playboy ce Carrel. Bon, comme il part à la nage, le problème c'est qu'il arrivera au milieu demain, enfin après-demain plutôt, donc. Ça va être un week-end très court, je te confirme. Karima, tu fais quoi toi ce week-end? Je vais aller m'amuser en famille, je vais aller me reposer un peu. Je rentre à Reims s'il y a des Rémois qui m'écoutent. Ah ouais, donc tu vas pas t'amuser quoi. Hé, hey, tu peux parler le belge. Il y a plus de choses à faire chez moi. Attention, c'est la guerre. Il y a le champagne surtout. Hein. Ouais, voilà, j'ai un truc en plus. Très bien. Ouais. On pensera à vous quand vous travaillez. Pas de problème. Eux, ils ont les problèmes. Tu veux que je te ramène un truc dimanche, tu sais, quand tu bosseras avec moi, je bosserai pas. Ouais, bah, pas de problème. Si tu veux, tu peux. Pas de problème, avec plaisir. Bon week-end. Eh ben, bon week-end. Bon week-end à lundi. Gros bisous. Eh ben, c'est parti, on est jusqu'à 2h. Elle le suce, on comprend pourquoi elle aime ça. Mickaël, nos limites, 23h, 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, soyez toutes et tous les bienvenus. Oh putain, ouais. C'est déjà la dernière de la semaine là. Oh là là, ça passe à une vitesse les semaines là, oh pour là l'instant, là, c'est vite, un truc de psychopathe. Vite. Bon, comme tous les soirs, il y aura évidemment du bon son, de la connerie et du délire, bien entendu. Hein. Bon, comme vous êtes de plus en plus nombreux là, à venir sur Fun le soir, là je me présente. Alors pour les nouveaux, alors moi c'est Mickaël et on est avec vous du lundi au jeudi, 23h, 2h, dimanche 20h, minuit. Et puis pour délirer avec nous, avec vous, évidemment, il y a le standard qui est là. N'hésitez pas à appeler le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et vous arriverez ici comme Sébastien qui a déjà composé le numéro. Salut Seb. Salut. Comment salut. Ça va? Ça va, bien, tranquille. Bon, eh ben tant mieux, t'as passé une bonne journée, Seb. Ouais, nickel. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah écoute, moi je travaille, je suis dans le transport, donc sur la route. D'accord, hein, route. Ok, très bien. Transport quoi, genre camion, transport Ouais, non, toutes tes menettes, mais bon, je fais beaucoup de routes. Hein. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, parfait. Bon Sébastien, reste avec nous. Est-ce que t'as écouté l'émission hier? Ouais, je l'écoute tous les soirs. Ah bah très bien, t'as vu qu'on avait, Cut-off avait rencontré de nouveaux amis? Ouais, peut-être, ouais, je ah bah oui. Plus trop, hein. Attends, mais c'est les amis, attends, tu peux pas les rater. Ah oui. Moi je vais baiser ta mère, non? T'as vu tout ça? Il y avait celui-là. Une grosse salope. Voilà, il y avait celui-là aussi. Ouais, il m'a bite sur ton front. Voilà, ils étaient au taquet hier soir. Hein. Je peux être gratté, ah ouais. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Très bien, voilà, donc c'est des nouveaux amis de Toff hein, qui sont là tous les soirs. Bref, un grand plaisir de les retrouver, bien entendu. N'est-ce pas Toff? Ben oui, sinon après il manque. Mais oui, c'est ça. Bon, Sandro qui est prête également pour le week-end? Ah bah oui, toujours. Ah bah oui, bien sûr. Bon bah si vous avez envie, si vous avez des bons plans, si vous avez envie de passer un bon week-end, n'hésitez pas. Sandro ne sait pas quoi faire, donc si vous êtes beau, grand, fort et riche, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Ça peut s'accommoder. C'est vrai. Ou 02 851 4x0 pour qu'on lui trouve enfin un mec, une bonne chose, une bonne fois pour toutes. Bon, Toff donc qui va partir partir avec, avec ses amis, hein. Avec oui. ses amis en week-end. Mais oui, Mais oui. C'est une grosse salope. N'est-ce pas, Toff? Sur mon scooter. Ah oui, grand scooter de merde. De, oui, oui. C'est pas ça que j'allais dire à la base. C'était plutôt un scooter en bois. Bon, et puis sinon, il y a la tournée de polo aussi qui continue, hein, la salle des fêtes de Trécon, c'est dans la Marne, qui sera ce week-end. Hein. Ouais, c'est ça. Alors attention, évidemment, puisqu'il va jouer en live à Trécon, donc dans la Marne, et ça existe vraiment. Bon, on va suivre également l'évolution du top tweetos ce soir. Là, si vous ne connaissez pas encore, eh bien, il suffit de faire un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Et puis bah, depuis une semaine, il y a beaucoup de changements. Hein, donc allez-y, lâchez-vous, maniez-vous même. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Surtout, n'hésitez pas. Je vous ai calé le son de Macklemore tout à l'heure. Voilà, Macklemore avec White Walls, un son que vous aimez bien également, Dubs. Dubs qui se prononce, enfin qui s'écrit DVBBS, mais qui se lit Dubs. Encore un son que vous aimez bien également, la Backer Matt. Il y aura Britney Spears. Alors est-ce que je vous mets la version remix? Enfin, est-ce que je la mixe en live ou est-ce que je la laisse normale? Je sais pas. Je sais pas, j'hésite, vraiment j'hésite, on verra bien, on verra bien. Hein, Britney Spears? Une grosse non. salope. Ah non, pas Britney Spears quand même, bon. Ah bah c'est Warp Beach le titre. Hein. C'est vrai. Et puis Global DJs avec Kids. Et puis si vous avez envie d'écouter les sons en particulier, bah, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous mettez le hashtag Mickaël évidemment sur Twitter, vous demandez Sébastien. Sébastien. Ouais, ouais, ah, voilà. Ouais, ouais, on t'entend bien maintenant, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un son que t'as envie d'écouter en particulier? Bah écoute, mais les mêmes que tous les soirs, hein, c'est du bon son là. Non, bah d'accord. Bon, il y avait aussi le nouveau Pitbull et Kesha. Bon, celui-là est pas mal, c'est Timber qu'on écoutera tout à l'heure. Bon bah très bien, bah, comme ça on a fait le tour un petit peu. Et puis côté cadeau également, il y aura la colle dans quelques minutes. La colle qui va vous permettre de repartir avec votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qu'on vous a offert depuis la semaine dernière alors qu'il n'est sorti qu'avant-hier. Un jeu qu'on vous a donc offert en... N'exclu. Évidemment, bah voilà, très bien. Et puis écran plat également à gagner, on fera un canular tout à l'heure. Hein. Si vous voulez faire un canular, si vous voulez piéger quelqu'un, la famille, les amis, les parents, frères, sœurs, profs, employeurs, enfin bref, peu importe, vous avez un petit scénario sympa, eh bien appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, on fera ça tout à l'heure. Bon, tu nous appelais pourquoi toi Sébastien en fait? Bah écoute, j'ai une antenne, hein, tu sais, la semaine dernière je me suis fait pirater tout mon compte Facebook, les boîtes mail et tout, et bon ça m'a laissé bien en galère et je voulais savoir si Baldock ou je sais pas qui connaît une solution pour tout récupérer, parce que c'est vraiment la le galère. Doc, je pense qu'il a aucune idée de ce dont tu me parles, mais nous on va essayer de trouver une solution, oui, c'est pas un problème. Oui. Mais avec quel rapport en fait avec que tu t'es fait pirater, mais quelle solution pour retrouver tes données? Bah ouais, mais en fait moi quand je me reconnecte j'ai même plus accès à rien, tu vois, les comptes et tout, c'est ah bah tout, mec, je pense qu'il va falloir que tu refasses une nouvelle vie, hein. Mais j'en ai refait une, mais le problème, bon, c'est qu'il a mon ancienne et il fait n'importe quoi avec, donc c'est ah non, mais galère, il faut que tu changes de nom, que tu déménages, nouveau passeport, nouvelle carte d'identité. Tu changes complètement de vie, hein. Tu dois appeler le FBI et exactement. Tu dois changer. Non, mais quoi. C'est un truc de fou quand même aujourd'hui, ouais. Là, ce qu'il arrive à faire. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé, on est déjà venu sur mon ordinateur, il y a des années, à l'époque, je croyais que j'étais invincible et que ça n'arrivait qu'aux autres, les piratages, etc. Donc j'avais ni antivirus, ni firewall, ni rien du tout. Moi, j'étais à la comment t'as fait alors dans ce cas-là? Bah, ça a marché pendant pas mal d'années, en fait, jusqu'au jour effectivement il y a un connard qui est rentré dans l'ordinateur et qui au lieu de tu sais de parce que je comprends à la limite tu vois les pirates tu sais qui essaient de rentrer dans les ordinateurs qui foutent un peu le bordel mais juste pour dire ah t'as vu j'y suis arrivé mais l'autre il avait effacé plein de données tu vois ça servait à rien. Tu vois, à la limite, ouais, tu mais c'est exactement ce qu'il fait, ça sert à rien. Bah oui, mais voilà, ça n'avait pas de sens. Bon, dites-nous si vous vous êtes déjà fait pirater, si vous avez peut-être des solutions là pour qu'il puisse récupérer ses données ou même récupérer son compte. C'est un compte sur quelle boîte Gmail ou c'est quoi? Ça serait super cool, ouais. Hotmail, d'accord, ok. Et... bon, bah si vous avez des solutions, on sait jamais. On peut y foutre un coup de pelle. Oui, bah ça, éventuellement, oui. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le Facebook, je vous ai mis la pelle, hein, on l'a trouvé, on a enfin réussi à trouver le temps de mettre la photo avec la pelle. Donc, vous pouvez aller la voir sur le Facebook de l'émission, je vous l'ai mise il y a une heure, ouais. Donc voilà, facebook.com/Mickaël officiel, vous allez me voir avec cette magnifique pelle rouge. On le voit pas mais en fait il y a la tête de Toff ouais, en dessous, voilà. En fait je viens juste de lui mettre un coup sur la gueule. faut dire la vérité. Ah, merde, pardon, si il est rouge, c'est à cause de mon sang. Oui, exactement, voilà, c'est ça. Il était trop abîmé, il pouvait pas être sur la photo. Exactement. Bon, ben bouge pas de là, Sébastien. On va parler avec toi dans quelques minutes, donc par rapport au piratage. Donc, si vous voulez, si vous avez des conseils à filer, si vous vous êtes déjà fait pirater, eh bien, n'hésitez pas. Dès maintenant, évidemment, vous mettez votre message par SMS. Hein, vous envoyez amical et votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. C'est également direction Facebook et Twitter. On en parle dans quelques minutes. Et nous accueillons Benoît. Bonsoir, Benoît. Ouais, salut l'équipe. Ouais, comment ça va? Ouais, comment, salut, Benoît. Comment ça va, Benoît? Bah, ça va très bien, vous, l'équipe? Bah, écoute, ça va plutôt bien aussi, tranquillement, tranquillement. Bon, alors, Benoît, tu vas faire la colle pour repartir peut-être avec la dernière console, la PlayStation 3, et bien c'est entendu, ça. Le jeu Beyond Two Souls. Alors, voilà, attention, exactement. Le principe est simple, tu vas donc proposer une colle, une histoire, et il va falloir trouver la réponse. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu repars avec la console et le jeu. Si quelqu'un qu'on appelle décroche et trouve la bonne réponse, c'est lui ou elle qui repart avec le jeu. Et toi, tu repars avec rien du tout. Bon, on y va, c'est parti. Allez, vas-y, fais péter. Alors, je ne fais aucun bruit, pourtant, je réveille tout le monde. Qui suis-je? Je ne fais aucun... Attends, c'est quoi? J'ai pas compris. Je ne fais aucun bruit. Je ne fais aucun bruit, pourtant, je réveille tout le monde. Je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde. Les pets polo. Ah, les pets polo, ouais, c'était une idée, ça, effectivement, ouais. Non. Non, ah, ça, bon, non, très bien. Non, ça aurait pu. Bon, alors il y a une PlayStation 3 à gagner, c'est la dernière, donc profitez-en bien. PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, qui est donc à gagner ce soir, si vous avez la bonne réponse. Vous pouvez aller voir sur le Facebook de l'émission, il y a la colle qui est écrite, donc si vous êtes peut-être plus facile en la disant, on sait jamais. Vous pouvez y répondre évidemment sur le Facebook ou alors par SMS en envoyant M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22, donc pour la Belgique. Alors Benoît, donc je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde, qui suis-je? C'est bien ça? C'est ça, exactement. Bon, bah, bonne chance à toi et puis on donne la réponse avant minuit 30. Tu restes avec nous, Benoît? Ok, ça roule. Il n'y a pas de souci. Parfait, bah, reste avec nous. Et puis pour les autres, bah, vous connaissez le principe. Hein. À vous de répondre maintenant facebook.com/mikaelofficiel ou par SMS. Donc, Mikael et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je? Bonne chance. Alors, message qui dit, ça fait combien de temps que c'est fait pirater? Bah, on va lui poser la question dans quelques secondes. Bah, t'es là, t'es encore là, Seb? Ouais, je suis là. Ça fait combien de temps que tu t'es fait pirater? Ça fait une semaine. Il y a Joe Fourry aussi qui dit quand on se fait pirater, pour le mieux c'est changer son mot de passe de tous ses comptes. Ouais, mais le problème c'est quand la boîte mail elle est piratée aussi, on fait comment, quoi? Ça, le délire. Ah oui, c'est ça. Il t'a même changé le mot... question secrète. Ouais, c'est un génie le mec qui a fait ça. Ah ouais, bah génie, mais... je sais pas, ou alors t'avais une question secrète en bois. Hein. Non, mais franchement, j'ai le mot de passe, faut déjà le trouver, hein. C'est lui que j'ai mis. C'était quoi que t'avais mis? De toute façon, tu t'en fous, tout est piraté. Donc. Non, mais oui, c'est vrai. Bon, alors attends, il y a Kawet aussi qui dit je me suis jamais fait pirater perso, je touche du bois pourvu que ça dure. Et moi, je me suis fait baiser ma carte Visa pour la première fois. Alors, putain, ça fait longtemps que j'en ai une. Première fois, paf! Un connard qui était acheté de la pub 258€ sur Facebook. C'est un mec qui a acheté de la pub pour l'émission. Ah, à ce moment-là, d'accord. Bon, reste avec nous, Sébastien. On parle de piratage dans quelques minutes. Et puis on va s'écouter Michael Moore dans un instant. Et Mathias qui dit aussi sur le Twitter, demain je me lève à 4h Mika, mais je vais quand même vous écouter jusqu'à 2h parce que je suis un déglingo. Mise à l'équipe, merci Mathias. Et alors le prince qui dit Britney Spears, la version remix, je vote oui. Eh ben écoute, d'accord, ok, très bien. Et je rappelle hein, tous vos messages de bienvenue, bien entendu. Je vais être gratté, gros con. Voilà, c'est ça, vous n'hésitez pas à demander, bien entendu. Allez, 23h12 sur Fun, bienvenue tout le monde, c'est Mika, No Limit, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio. Et n'oubliez pas qu'on sera d'ailleurs bien sûr au Paris Games Week. Hein, ce sera la fin du mois. D'ailleurs, vous pouvez continuer à aller voter sur funradio.fr pour le jeu de l'année. Quel est le jeu que vous avez le plus kiffé? FIFA, GTA. Il y en a plein en même temps qui sont sortis. Hein. Donc allez voir funradio.fr, votez pour le jeu de l'année. On remettra le trophée, donc ce sera quand on sera en direct du salon Le Paris Games Week. Funradio.fr pour aller voter. On attend évidemment tous vos votes. Continuez à voter nombreux et prévenez vos potes également d'aller voter. On revient dans quelques minutes avec Sébastien qui s'est fait pirater. Donc dites-nous si ça vous est déjà arrivé justement de vous faire pirater. On aura aussi, bonne nouvelle pour Tof, dans quelques minutes j'ai une nouvelle idée pour tes appels. Ah bah oui, j'ai très peur. Ouais, tu peux. C'est une très très bonne idée que j'ai eue tout à l'heure. Donc on fera ça tout à l'heure. Bon, on fera ça dans moins de 5 minutes d'ailleurs. Et puis je vous remettrai également un bel appel d'hier qu'on a eu l'occasion de faire, qui était juste magnifique. Ah et plus que magnifique. Ah, oui. Ah bah hier on s'est fait insulter, enfin tof surtout parce que nous on est tranquille. Donc 01 42 48 5000 ou appelez-nous hein, d'où que vous soyez en France. Vous envoyez MIKL par SMS au 64 900 et puis bien sûr Facebook, Twitter. Sur Twitter vous nous rejoignez également, vous tapez MIKL underscore officiel et si vous me faites un follow et eh bien je vous follow également. Voilà, j'attends tous vos messages évidemment avec impatience et on écoute Macklemore comme promis maintenant sur Fun, c'est White Walls. Bienvenue tout le monde. I wanna be free. I wanna just live. Macklemore à l'instant sur Fun Radio, c'était White Walls. Allez, bienvenue tout le monde, 23h18, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. 23h, 2h. Mickaël No Limit. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit avec plein de messages qui sont arrivés. Il y a Guillaume qui dit compter ses faire pirater 450 euros en moins. Ça fait mal, surtout quand c'est, c'est chaud. Quand c'est sur le compte des parents. Ah ouais, putain, ça c'est violent quand même. Je vous écoute tous les soirs, là vous êtes géniaux. C'est Amélie du 7-6. Merci Amélie, bienvenue à toi également. Benji qui dit moi on m'a piraté mon compte Facebook mais j'ai réussi à tout récupérer. Brittany qui dit je me suis fait pirater mon Facebook également. Il y a Loïc qui dit trop bon la radio avec la team de Mickaël. Message de bienvenue s'il te plaît, bien sûr. Une grosse salope. Voilà, il y a un truc prévu pour la sortie de Call of Ghost. Ben oui certainement, hein, Paris Games Week on en parlera, t'inquiète pas. Il y aura plein de jeux aussi, hein, plein de consoles et plein de jeux vidéo à gagner au Paris Games Week. Adrien qui dit aussi j'ai pas eu le message de bienvenue, est-ce que je peux en avoir un s'il te plaît? Oui, on va t'en mettre un dans quelques instants, t'en bouge pas de là. Avant ça je voulais quand même d'abord diffuser l'appel qu'on avait eu l'occasion de faire hier avant de donner ma nouvelle histoire à Toff, là, nouveau thème de ce soir. Ah. Un grand thème. Hein. Oh. Un gros thème, un beau thème, enfin bref. Bon, et donc hier soir, on avait appelé des gens également. Et alors hier soir, c'était pourquoi j'ai oublié déjà Hier soir. Un trou, putain, hier aussi, j'ai eu le même trou par rapport à avant-hier, c'est un truc de dingue quand même. Bon, bah c'est pas grave, on avait appelé. Alors écoutez, ça avait donné ça. Et c'était assez sympathique, on était. Enfin bien quoi, bien accueilli, tout ça, vraiment classe. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelais parce que je voulais connaître le signe du zodiaque de votre femme. Ah bah oui. Ah oui. Et celui de sa mère, c'est quoi? Bah je vois pas le rapport monsieur, c'est celui de votre femme qui m'intéresse. Ouais mais moi je veux pas te le dire. Bah oui, mais pas comme ça, moi je pourrais vérifier si elle est vraiment au lit comme elle doit l'être selon son signe. Bon, t'as que ça à foutre. Bah oui monsieur. Ouais, bah pas moi. Bon allez, bonne soirée. Bah attendez, vous avez pas répondu à la question. Donc là on peut dire le mec est plutôt cool, finalement. Ouais, il est sympa. Voilà, puis après on l'avait rappelé parce que bah visiblement on n'a pas eu l'occasion de bien discuter avec lui. Oui. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez pas répondu à la question. Oh écoute-moi bien, espèce de tocard, va. Moi je t'attrape, je t'accroche au pare-choc de ma voiture, je te traîne dans toute la ville, t'as compris? Oui je sais, on me l'a déjà promis jusqu'à Foriani, mais c'était pas arrivé. Ah, t'as décidé de me faire chier en fait. Bah pas du tout, je vous ai juste posé une question. Et c'est vous qui vous énervez, vous vous emportez, vous me remettez des trucs avec votre voiture, alors que bon, il faut juste me donner le signe de votre femme. Ah, bah j'ai... Ma femme elle a le même signe que ta mère. Voilà. Donc il était plutôt sympathique, on avait eu également ce monsieur-là, très gentil. Très très gentil, hein. On fera d'autres appels dans quelques minutes. Faut attendre aussi longtemps pour qu'il décroche celui-là. Ah, si. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais connaître le signe du zodiaque de votre femme. Pourquoi faire? Bah, en fait, c'est pour voir si ça correspond bien par rapport à la description que j'en ai de sa façon de faire l'amour. Et moi, je vais baiser ta mère, non? Je vois pas pourquoi, monsieur, je vois pas le rapport. Non, mais qu'est-ce que tu me parles comme ça de ma femme, toi? Allez, vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Donc, on l'avait rappelé encore une fois, il avait l'air tellement charmant, tellement gentil, ce monsieur, hein. On lui avait remis une petite couche. Oui, excusez-moi, mais on a été coupé. Ouais, non, c'est pas coupé, c'est moi qui a coupé. Bah, pourquoi vous avez coupé, monsieur? Vous aviez pas répondu à la question? Parce que j'ai pas envie de te répondre, c'est tout. Tu me lâches, c'est tout. Bah, attendez, moi je vous pose une question, vous pourriez répondre, monsieur. Enfin, c'est pas gentil. Bah, non. Bah, pourquoi? Parce que j'ai pas envie, c'est même pas la peine de rappeler. Je raccroche et je décroche plus. C'est parce que c'est pas terrible, Oli, que vous voulez pas me donner la réponse? Ah, il avait mal vécu après, hein, c'est ça. Il s'était arrêté là, malheureusement. Et puis après, il y a eu ça. Va te faire foutre. Voilà, c'est ça, et puis... Tu vas être gratté, gros con. Voilà, il y avait ça. Et moi, je vais baiser ta mère, non? Ouais, on vient de l'avoir, on vient d'entendre, vous avez entendu, hein. Une grosse salope. Voilà, enfin bref. Ouais, et ma bite sur ton front. Voilà, ils étaient en pleine forme, en tout cas. Et puis donc, le thème de ce soir... Le thème de ce soir, ladies and gentlemen, attention. À quoi pensez-vous quand vous vous masturbez? Plutôt à une star ou plutôt à des gens que vous connaissez? Ah, moi, c'est plutôt star. Plutôt star? Ouais, ouais, genre, ouais. Quelle star? Alba, comment Jessica s'appelle Alba. Jessica Alba. Jessica Alba, Alba. Toff. Ouais. Moi c'est bien. Plutôt des inconnus. Genre ah, de, les inconnus, genre... oh, c'est dégueulasse. Non, mais genre une meuf, t'es, que j'ai, une meuf que j'ai. Genre le Gétimus et tout ça là. Non, non, genre une meuf que j'ai croisée dans la rue, que je trouvais bonne, et voilà, tu vois, je fantasme un peu dessus quoi. D'accord, ah, Sandro, tu te masturbes sur quoi? Plutôt les inconnus ou plutôt les stars? Tu penses à qui en général? Ah non, pas des stars. Pas des stars? Non, c'est des gens que je connais. D'accord, ok, très bien. Bon, bah voilà, tu bah as déjà tout, pensé à Michael? Ah, quelle horreur, non, non, ah non, aucun de vous. Hein. Non, mais bah, parce qu'elle sait qu'elle a aucune chance, c'est surtout ça le truc. Même dans nos rêves, même dans son rêve. Mais non, mais pour moi, vous, c'est pas méchant, mais ça peut me dégoûter même. Ah bah non, mais alors on est d'accord parce que ça marche dans tous les sens. Non, mais ça se trouve, c'est un refoulement inconscient, j'en sais rien, mais c'est comme. Enfin, il y a des gens, tu peux pas, quoi, c'est pas possible. C'est ça. Bon, allez, si vous aussi vous avez votre mot à dire, n'hésitez pas, prenez le contrôle de Fun 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, également Facebook, Twitter, Instagram, vous mettez le hashtag Mickaël pour nous parler et donc nous dire donc quand vous masturbez, vous pensez plutôt à des stars ou à des gens que vous connaissez. Voilà, venez nous dire ce que vous en pensez justement. Et toi tiens Sébastien, de quoi tu me demandes? Quand tu te masturbes, tu penses plutôt à une star ou à des gens que tu connais? Ou des légumes, des fruits, des trucs ouais, comme ça. Ouais, tu peux aussi, pourquoi pas, ouais. Bah écoute, des gens que je connais pas, mais pas des stars non plus. D'accord, pas des stars. Bon, attends, très bien, parce qu'il y a aussi Christopher avec nous maintenant de Gironde. Salut Christopher. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, toi tu voulais réagir au piratage de Sébastien, mais avant ça, quand tu te masturbes, tu penses plutôt à qui? À une star, enfin à des stars ou à une ou à un inconnu ou à quelqu'un que tu connais peut-être? Plutôt des inconnus. Plutôt des inconnus. Un peu de stars ouais. Pour l'instant. Attends, il y a Florian aussi de Montélimar. Salut Flo. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Bah tranquille. Alors tu penses plutôt à qui toi quand tu te masturbes? Plutôt une star ou plutôt quelqu'un que tu connais? Oh, plutôt des stars. Ah, et quelle star? Oh, Angelina Jolie ou Eva Longoria. Ah ouais, toi tu tapes pas dans le badiam quoi. Non. Ah ouais, t'inquiète, ouais, t'as raison, hein, c'est un fantasme, donc fais-toi plaisir. Ça, tant qu'à faire, quitte à fantasmer. Bah, bien sûr, bien sûr. Bon, bah dites-nous les autres, hashtag Mickaël, je compte sur vous, vous mettez votre message sur le Twitter, vous me rejoignez sur Twitter également, vous tapez Mickaël underscore officiel, underscore c'est la petite barre en bas, et puis sur Facebook également, venez nous en parler, venez nous donner vos avis, et on vous attend avec impatience. Bon, Christopher, toi tu voulais réagir à Sébastien qui s'est fait pirater son compte internet, haute mail, tout le bordel, et toi, ça t'est déjà arrivé ou t'as des conseils à lui donner, Chris? Ben moi ça m'est déjà arrivé par rapport à mon compte Facebook. Ouais. Donc la plus grande arnaque que tout le monde connaît, les annonces à déposer sur Le Bon Coin. Ah oui oui oui oui oui. Ah, faites gaffe putain, il y en a plein là-dessus hein. Le Bon Coin, deuxième main ou jeu seconde main, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y en a plein des enfumes. Et moi du coup je m'en suis rendu compte moi mais hyper vite parce qu'en plus il essayait de prendre aussi le contrôle de ma boîte mail. Ah ouais. Ouais, moi ça m'est arrivé en fait, c'est il pirate le compte d'un autre, enfin ouais. genre un pote à toi et donc elle vient te parler en privé, elle te dit "Ouais, écoute, est-ce que tu peux faire un truc pour moi parce que j'ai ma connexion qui bug et tout, c'est super urgent, machin." Et genre c'est mettre une annonce sur Le Bon Coin et donc les mecs ils espèrent que tu sais comme t'es un crétin. Tu vas utiliser mais le même mot. C'est parce qu'ils sont venus chez toi, c'est pour ça qu'ils pensaient à ça. Non mais ils espèrent que tu vas utiliser le même mot de passe que pour tous tes trucs quoi. Ah ouais. Et donc en fait voilà, enfin et moi j'ai vu tout de suite que c'était une enfume parce que la nana genre on s'était pas parlé depuis genre un an, elle vient, elle me fait "Ouais, tu peux faire ça pour moi s'il te plaît pour me rendre service." OK ouais. N'importe quoi. Mais dites-nous si vous êtes déjà fait rouler aussi là-dessus hein. Bon, et toi du coup Christopher, vas-y continue, il s'est passé quoi après? Et bien donc du coup je m'en suis rendu compte hyper vite et j'ai demandé renouvellement du mot de passe déjà des mécènes. Ouais. Et dès que j'ai pu renouveler mon mot de passe et mécènes, j'ai essayé de redemander sur Facebook, j'ai eu du mal. Et si bien que moi mon Facebook a été bloqué un certain temps pour problème d'identité, donc j'ai dû justifier mon identité à un moment pour prouver que c'était bien mon compte. Oui, je t'interromps, mais excusez-moi pour certaines villes qui n'ont pas entendu ce que j'étais en train de dire. Hein. Je vais pousser sur un bouton. Oui, je mérite un coup sur la gueule. Ouais, voilà, un deuxième et un troisième. Et Toff, tu peux me péter la gueule. Ouais. Allez. Au pire, on envoie Toff avec son scooter pour réparer c'est, le truc. Bah c'est bon, c'est réparé. Ah, c'est réparé. Il fallait juste pousser sur un bouton. Hein, donc c'est juste moi qui étais un mongolien. Mais voilà, j'ai payé ma dette à la société. J'ai pris mes coups sur la gueule. Je pense que c'est bon. Voilà. Bon, alors, vas-y, continue, Christopher. Et donc, du coup, j'ai réussi à récupérer dans l'heure qui suit à peu près mon compte Facebook. Et depuis maintenant, pour m'identifier, il faut, si l'ordinateur n'est pas reconnu sur mon compte, à chaque fois, il faut que j'ai un code spécial pour pouvoir m'identifier dessus. Ah ouais, mais c'est relou, c'est à force de mettre 150 000 codes, là, c'est juste une tanasse à un moment. Pour s'en souvenir, c'est chiant. Non, c'est pas 150 000, c'est je tape mon mot de passe classique, et après, ça m'envoie un SMS avec un code. D'accord. Que je dois saisir pour justifier que c'est bien mon identité ou que je suis bien... voilà, que c'est mon ordinateur. Ah ouais, mais enfin, c'est une galère quand même. Il y a Ludovic qui dit, moi, je me suis fait pirater 2 fois 1000 euros sur mon compte bancaire. Oh putain, enculé. Ah ouais. Il y a Jimmy qui dit, moi, je pense aux bonnes gonzesses qui passent dans les rues. Ah oui, ça, c'est par rapport à qui vous pensez. Ouais, autant pour moi. Il y a message qui dit, il y a Morgan qui dit, si je devais me masturber, je penserais à toi, Mickaël. Oh, mais tu as bon goût, Morgan. Bravo, félicitations. Moi-même, je pense qu'en me branlant, je devrais penser à moi. Non. Vas-y. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Hey, d'après mon signe astrologique hier, je sais bien sucer. Hein. Ouais. Donc tu vas te faire du bien. Faire autant penser à moi-même, tu vois. Tu es en train de tourner mal, Mike là. Mais non, mais attends, mais en même temps, je suis pas assez souple, t'inquiète pas. Alexis, il y a un message de bienvenue, s'il te plaît, Big Up à la famille de Fun et Mickaël No Limit, évidemment, un message de bienvenue. Attends, je vais t'en mettre un beau, tu vas voir. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard. Ouais, Alexis, c'est toi qui as demandé. Hein. Il y a Elric aussi qui, pour le piratage, il faudrait l'IP du gars et ensuite exécuter plus IP, état les mots de passe ou faire une messagerie et lui parler sur ta messagerie pirate et savoir ce qu'il veut. J'ai rien compris. C'est ça le problème quand un geek te parle. Ah, ça devait certainement être très clair pour une partie d'entre vous. Moi, j'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. Florian avec nous également là. Flo, t'es là ? Oui, je suis là. Bon, parfait. On va parler de piratage aussi dans un instant. Tu t'es fait pirater ou comment ça s'est passé ? Je me suis fait pirater il y a 2 ans mon compte Hotmail. Bon, ben on en parle, Florian. Bouge pas de là. Christopher, encore un truc à ajouter ? Non, mais non. Après, le mieux, c'est d'essayer du coup de répondre à toutes les annonces qui sont... pour mettre des annonces où on doit mettre nos mots de passe personnels, le mieux c'est de mettre un mot de passe bidon et puis... Ah ouais, de mettre un mot de passe provisoire quoi, c'est ça, mettre un mot de passe qui est pas oui, le tien évidemment. 5, Ouais, c'est clair. De toute façon, quelqu'un que tu ne connais pas, même tu connais, qui te demande ton mot de passe, tu donnes pas. Tu donnes jamais. Donner, évidemment, jamais c'est... de la vie. Ouais. Personne te demande ton mot de passe quoi. C'est comme quand les mecs, tu sais, tu reçois des mails, veuillez réentrer vos coordonnées bancaires. Vous voyez, c'est ça. C'est genre ta banque. Vérification. Ouais. Genre ta banque, elle te demande le numéro de ta carte et son code. Mais oui, c'est ça. Mais c'est juste pour être sûr. Oui, oui, ben d'accord, pas de problème. D'ailleurs, si vous voulez, je les garde en lieu sûr. Vous pouvez m'envoyer vos numéros de Visa, Mastercard, American Express, tout ce que vous voulez. Vous m'envoyez ça sur mon mail. Alors, vous n'oubliez pas la date de validité, le petit chiffre à l'arrière et le nom aussi. Et puis votre adresse. Normalement, je suis tranquille avec ça. Mais, moi, il y a un flic qui m'avait dit, si un jour, il y a un mec qui te demande ton code secret, c'est forcément un mec qui veut t'arnaquer. Ah bah oui, ça c'est certain. Il n'y a personne qui dit, la banque te demandera jamais, nous les flics on ne demandera jamais, il y a juste un mec qui vient pour te piquer du pognon. Ouais, mais ça c'est clair. Bon, bah merci en tout cas, Christopher, d'être passé. Tu retournes au standard et tu reviens quand tu veux. D'accord, mais de rien, avec plaisir. Salut Christopher, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao à toi, bye bye. Et puis bon, bah Sébastien, reste avec nous. Il y a Aymeric dans un instant qui va nous parler de masturbation. Là, à quoi vous pensez quand vous vous masturbez ? Enfin, à qui plutôt ? Est-ce que c'est à quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage ou à quelqu'un que vous connaissez pas, mais en tout cas que vous avez croisé dans la rue ? Ou est-ce que vous pensez plutôt à des stars ? Et si oui, lesquels ? Voilà, n'hésitez pas. Sur un ananas, moi, des fois, ça m'arrive. Sur ? En pensant à un ananas. Hein, oui, pourquoi j'aime pas ? J'aime bien les fruits. C'est une idée. Ah, moi, j'ai un truc spécial pour enlever le cœur et puis je me mets l'ananas. Ah, merci beaucoup, tiens, c'est super sympa ça. Bon, allez, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là, c'est Mickaël No Limit avec la colle dans quelques minutes. Je récupère Benoît et on va faire les premiers appels Toff là. Hein. Mais quand tu veux, moi je suis pas, je suis chaud là, quelques minutes. On vous avait été nombreux déjà à envoyer vos numéros hier, on va récupérer cela et on fait ça après le son de Dub, c'est Tsunami. Le son de Dubs à l'instant sur Fun, DVBVS, c'était Tsunami, bienvenue tout le monde. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez dans le cas. On est là jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs avec la PlayStation 3 à gagner et le jeu qu'on vous offre depuis la semaine dernière maintenant, c'est Beyond Two Souls. Et qui va le gagner ? Peut-être ce sera Benoît. Rebonsoir Benoît. Allô. Allô, c'est Benoît. L'équipe. Bon ben re-équipe, re à toi aussi Benoît. Bon alors, ouais. Benoît, tu vas donc poser la colle à nouveau, vas-y. Ouais, je la repose. Alors, je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde. C'est bien ça ? Exactement, alors, c'est ça. Ouais, bah alors attends, il y a des messages qui sont arrivés, on va y lire dans quelques minutes. Il y a un cauchemar, ouais. On proposait un cauchemar. Non, ça aurait pu, mais non. Ah, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Bon, d'accord, ouais. Ok. Alors, on proposait également la pleine lune. Ah non. Ah, ça aurait pu aussi. L'adrénaline. Ah non. L'adrénaline quand on dort. Ouais, bah, je sais pas, un rêve. Non. Un réveil. Non. Bah non, ça fait du bruit, c'est un réveil. Ouais, non. Bon, il y a Loco Loco qui dit l'haleine de ma femme. Ah, bâtard. Il y a Nicolas Delain qui proposait un muet. Ah non. Non, coup. Je pense à mon poisson, c'est Alexandre. Non. Non, pour la colle, je propose un pet-off. Un pet-off, car quand même silencieux, ça réveille à l'odeur, c'est Alexandre. Peut-être, ouais. C'est peut-être, mais non, c'est pas ça. Bon, bah, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Dès maintenant, vous envoyez Mickaël, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc, Benoît, on répète, je ne fais aucun bruit, pourtant, je réveille tout le monde. Qui suis-je? C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, eh ben, écoute, bonne chance. On tire au sort avant minuit 30. Et puis, bah, peut-être que d'ici minuit 30, tu auras ta PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Si, évidemment, personne ne trouve la bonne réponse. Mickaël, juste. Oui. Ouais, je pourrais avoir mon message de bienvenue, je l'ai pas encore. Ton message de bienvenue, mais bien sûr, avec plaisir. Ferme ta gueule, les connards. Voilà. Bien, avec plaisir. Tu sais bien, hein, suffit de demander, il y a pas de problème. Bon, okay, bah tout à l'heure, Benoît. À tout à l'heure. Oh, mais qui voilà? Hop, qui Colline. Oh. Comme ça, par surprise. Allô, Colline. Oh, Colline. Allô. Eh ben alors, je croyais que tu étais partie. Colline, qu'on avait eue il y a 3 semaines, je crois, parce que ses parents lui avaient confisqué sa radio. Elle était restée dans le standard comme une SDF pendant une semaine. Voilà. Enfin, une SRF sans radio fixe. Ouais. Et du coup, on lui avait envoyé une radio. Tu l'as reçue? Une customisée? Oui, j'ai reçu. Elle est trop belle. Hein. Ah, t'as vu? Avec un petit mot et tout. Ah, t'as vu, on a mis un petit mot. On a mis. Et Polo s'est fait chier pendant toute une journée à découper les autocollants. J'ai vu. En plus, c'est trop bien fait. T'as vu ce que j'ai fait pour toi, Colline? T'as vu, Colline? Ouais. Polo était premier en travaux manuels, hein, faut le savoir. Bah, attention, il a fait l'atelier, bien sûr. De Colline. Oui, il a fait l'atelier. Il a mis au moins 5 autocollants. Ouais. Et... bon, j'espère que t'es contente. Elle sert au moins, tu nous écoutes grâce à elle? Ouais. Bon, ouais, c'est parfait alors. Bon, bah très bien, Colline. Bon, bah tant mieux, je suis content que tu sois de retour, je crois que tu t'es barré. Je me dis, putain, elle a pris sa radio, elle s'est barrée. Ouais. Elle a pris sa radio, elle s'est barrée. Ah bah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Je donnerai des nouvelles. Bon, bah très bien, Colline. Bon, bah je te fais des gros bisous alors. Oui, gros bisous. Allez, à bientôt, Colline. Et voilà. Oui, et tu voulais dire un truc en plus? Ben, faire des petits bisous à Lucie qui m'écoute parce que c'est la première fois. Et un petit non message de une grosse salope. Oh. Petit message de bienvenue alors. Petit message de bienvenue. En plus, c'est trop une couche tôt, donc elle fait trop un effort pour non vous. Ça mérite un deuxième message. Ouais, ça mérite un deuxième message. Votre grand-mère est suce des nains. Voilà. C'est un nouveau, lui. Ah oui, c'est un nouveau, ouais. Qu'est-ce que c'est que ton cul qui fait me faire chier? Oui, ça, c'est pour Toff, évidemment. Hein. Et ta mère la pute, est-ce que je la fais tous les soirs, cette bâtarde? Bon, elle est gâtée ce soir. Le message, ouais, elle est gâtée. Elle a eu tout ce soir, elle est bien. Bon, ben, gros bisous, Colline. Bisous. Allez, je t'embrasse. Ah ben j'espère bien que tu vas nous écouter, Colline. Bon, et dites-nous les filles, à quoi vous pensez, hein? C'est parce qu'on a déjà eu pas mal de mecs là, évidemment, hein, mais on voudrait avoir l'avis des filles. À quoi vous pensez quand vous vous masturbez plutôt à une star ou plutôt à un inconnu? Voilà, une inconnue, une star, quelqu'un que vous connaissez dans vos familles éventuellement. Bon, du coup, on va appeler des gens pour leur poser la question. Mais allons-y. Allez, on va appeler un mec hier, là, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. On va le mettre en premier appel, hein, quelqu'un qui nous a dit, bah, rappelle-nous demain, donc bah, ah oui, d'accord. Bah, faut rappeler quoi. Bah, c'est ça. Allez, c'est reparti. Oula, sa gueule. On rappelle maintenant, c'est parti. Et puis on reparlera des pirates aussi avec Sébastien, qui s'est fait pirater son compte. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai eu votre mari hier qui m'avait demandé de rappeler aujourd'hui. Je crois pas. De vous rappeler, c'est ça? Ah, bah oui, il m'a dit de rappeler, donc je rappelle. Bon, ben non, je suis désolée, il est pas là. Ah, il est pas là, mais c'est pas grave, en fait, je voulais vous demander à qui vous pensez quand vous vous masturbez. Mais vous êtes qui? Moi, je suis Toff. Bon, allez, au revoir. Bah attendez, vous avez pas répondu à ma question. Bah... ah ouais, mais merde, putain, s'il a pas répondu, attends, on rappelle. En plus, le mari me donne rendez-vous, il est même pas là. Mais c'est ça, et l'autre, il est con, alors. On rappelle. Allô? Oui, excusez-moi, vous avez coupé un peu vite, vous avez pas répondu bon, à la écoutez, question. Vous allez pas commencer à m'emmerder, ok? Je suis en train de coucher mes filles, maintenant, vous allez emmerder quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, ok? D'accord, mais vous pensez à qui, alors, quand vous vous touchez? Oh, putain, qu'est-ce qu'elle est en loup, ça c'est pas, dingue ça. Bon, on aura Emilie dans un instant pour parler de la masturbation. Emeric également là. Bonsoir Emeric. Salut Fun. Comment salut, ça Mika. Va salut. C'est moi tranquille. Fun. Comment ça va? Ça va tranquille. Bon, tranquille, on va parler de masturbation avec toi dans un instant là par rapport à qui tu penses, etc. etc. Ouais, pas de soucis. Bon, ben, ne bouge pas de là, reste bien avec nous. Et en plus, tu savais que c'était bon pour la santé, la masturbation, hein? Ouais, je sais, mais je suis en automatique aussi des fois, je suis pas qu'en manuel. Ah, mais écoute, très bien, tu veux nous expliquer la différence? Parce que apparemment ça aide à déstresser, ça favorise le sommeil, c'est un plaisir rapide. Ouais, mais c'est vrai, franchement Mika, tu sais quoi? Ouais. Trop bien pour dormir. Ah bah grave, ouais, c'est un bon somnifère. Moi je me branle tous les soirs avant de dormir. Ah classe. Et après, mais du coup je dors super bien. Ah ouais, ça m'étonne pas. Bon, Emeric, reste avec nous. Émilie, t'es déjà là, Émilie Doubagne? Oui, c'est bon, ça. Bon, on va parler masturbation avec toi dans un instant. Oui. Oui, très bien, ben ne bouge pas de là. Et puis on va écouter aussi Fédé Legrand. Ça te plaît, Émilie? T'aimes bien? Émilie? Ouais, bon, oui. Grave, hein. Ah, t'aimes bien? Oui, tu dis le grand, écoute. Là, c'est bon? Oui, oui, je vous écoute, y'a pas de bon, soucis. C'est parfait, Émilie, bon, je crois qu'on va avoir du mal. Allez, restez avec nous sur Fun Radio, c'est Mickaël, No Limit. Venez continuer également à balancer tous vos messages. Hashtag et Mickaël, merci pour le top tweet. Hein, déjà, on vient à peine de commencer, ça fait plaisir, merci beaucoup. Y'a Fédé Legrand qui arrive, c'est No Good qui débarque sur Fun Radio, ce sera dans quelques instants. Et la nuit sans pub, juste après. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël, No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Allez, bienvenue si vous venez de débarquer en direct dans toute la France, comme tous les soirs. 01 42 48 5000. Et puis, bah évidemment, les SMS, vous débutez votre message par Mickaël. Vous envoyez ça au 64 900, bien sûr, avec tous vos messages. Il y en a plein qui arrivent. Il y a le presse qui dit, par contre, la dernière fois, j'ai rêvé que je faisais un plan 3 et les deux garçons étaient Mickaël et Toff. Quel beau rêve. Quelle horreur. Je préfère qu'on me coupe la bite. Je la coupe maintenant. Quelle horreur. Ah non, mais c'est sérieux. Jamais de la vie, mais quelle angoisse. Je pourrais pas là. Oh là là, laisse tomber. Mais vas-y, bon. Mais pénètre là. Ah, quelle horreur. Pénètre arrête. Là, c'est tough. Bon, il y a Benoît toujours avec sa colle là. Je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je? C'est pour gagner la PlayStation 3, la PS3 et le jeu Beyond Two Souls. Bien entendu, si vous avez la bonne réponse, à vous de vous inscrire dès maintenant. Vous envoyez tout simplement maintenant Mickaël avec la réponse au 64 900. C'est un euro le mais non, pas du tout. Je sais pas combien ça coûte. 35 centimes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous y allez. 64 900 par SMS. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis on va s'écouter un son maintenant découvert dans Party Fun sur Fun Radio tous les week-ends avec Quentin Mossiman d'ailleurs qui elle a tous les samedis soirs entre 20h et minuit sur Fun Radio dans Party Fun. C'est le son de Fédé Legrand, la reprise de Prodigy. Peut-être que je la remettrai ce soir, tiens, la version originale. Il y a quelques semaines là. Peut-être que je la remettrai ce soir. Fédé Legrand maintenant avec No Good. C'est sur Fun Radio 23h47. C'est la nuit sans pub maintenant jusqu'à 6h sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Évidemment, sur Fun Radio, avec tous vos messages encore qui arrivent, là, il y en a beaucoup. Il y a un message qui... Non, c'est l'oiseau qui... Moi, je vous message de bienvenue. Sinon, je pleure. Oui, bon, si tu veux, allez, attends, je vais t'en mettre un message de bienvenue. L'oiseau, j'imagine que t'es une meuf. Va te faire enculer, salope. Voilà, ça me paraît pas mal, quand même, comme message de bienvenue. J'en ai plein. On a eu de nouveaux amis, d'ailleurs, depuis hier, avec tous les appels de Toff. Ah, bah oui, celui-là, notamment, qui était bien trash. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard. Voilà, très sympathique effectivement. Alors il y a également un message de Pierre qui dit un chasseur d'orage se masturbe quand il voit des vigilances rouges aux orages. Ah bah oui, j'imagine. Megumi qui dit moi je repense au rêve coquin que je fais avec Mickaël, d'accord. Denis qui dit ah oui exact pour le bon coin, là j'ai vu ça cet été. Et Kawet qui dit il y en a aussi qui craque Twitter, c'est complètement débile je trouve. Bah ça dépend. Il y en a qui le font uniquement pour se marrer. Hein. Donc on parle des piratages aussi, puisque là, Sébastien qui s'est fait pirater son compte, on parle de masturbation. Puisque c'est un thème que j'ai vu également. Donc thème qui... Je suis très perturbé parce que toi, tu es en train de prendre Polo en photo. Ouais, et oui, je sais pas, c'est pour la masturbation de ce soir que tu vas faire ça. Oui, m'excite. Je vais pouvoir me branler ce soir. D'accord. Par contre, tu devras apprendre à faire des photos parce que ça marche pas depuis tout à l'heure. Ouais. C'est horrible cette espèce de lumière. Alors vas-y, file. Non, bah attends. Il va t'apprendre. Tu sais que Polo est un grand photographe. Mais oui, c'est le plus grand photographe des cours. Du monde. Il te donnera des cours. Donc, et on parlait également donc avec Aymeric et Émilie donc de la masturbation, puisque la masturbation c'est le thème des appels de Toff, donc en l'occurrence, puisque on voulait savoir si quand vous masturbiez, si vous pensiez plutôt à des gens connus, à des stars, ou est-ce que vous pensez plutôt à personne, en l'occurrence à des gens connus ou à des gens que vous connaissez dans votre entourage. Donc du coup, on va repasser un petit appel Toff là. Hein. Mais allons-y. Très bien, alors c'est parti, on nous avait envoyé quelques numéros. D'ailleurs continuez, si vous avez des numéros de gens encore debout, n'hésitez pas, vous envoyez ça sur sandro@funradio.fr. Allez, c'est parti, on refait un petit appel maintenant. Juste avant minuit, comme ça on dérangera pas trop. Allô, oui. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Là, je vous appelle parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Non, mais ça va pas, là, vous êtes malade ou quoi là? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? C'est quoi ces manières? Bah, c'est pas des manières, je vous demande juste à quoi vous pensez. Non, mais attendez, c'est quoi ça? Bah, c'est une question. Oui, bah attendez, je vous pose, mon mari va vous dire ce que je pense. D'accord. Pauvre con, va. Qu'est-ce qu'il y a, allô? Pauvre con. Oui, bonsoir monsieur. En fait, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Tu veux ma main dans ta gueule? Oui, tu vas l'avoir. Tiens, viens ici, tu vas voir. Parce que je pense à quoi? Allez, ok, au bonnet, bonjour. Hein. On était dans le nord, a priori, hein, quand même. Hein. Un mec sympa. Ah, très sympa, on va le rappeler. T'as l'air tellement gentil. Allez, j'aime bien la voix de la fille. Oui, excusez-moi, mais... fais pas chier parce que ça va être vite fait, je vais te mettre sur écoute et tu vas voir, faut que j'aurai ton numéro. Je suis prêt à venir te casser ta gueule, toi. Espèce de pourri de bâtard. Pourculé de bâtard. Ah oui, ça, il était très motivé, le monsieur. Il va te mettre sur écoute. J'aime bien les gens qui se la ramènent. C'est genre, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Allez, on rappelle, bâtard. J'aime enculé beaucoup, de bâtard. Ouais. C'est un nouveau. Très poétique, ouais. Ah oui, nouveau message de bienvenue, là. On va reprendre, bien sûr, dans un instant. Tu vas faire chier ton monde longtemps comme ça? Pourquoi toute cette violence, monsieur? Tu te fais chier, que cette espèce de con. Si t'as rien d'autre à foutre, va te demander les toilettes, remets toi-même. Espèce de saloperie, va. C'est-à-dire qu'il veut parler tellement vite, il y en a d'autres hein, qui veulent parler tellement vite, ils arrivent même pas à placer tous les mots. Et là, c'était clairement ça. Ouais. Oh putain, le mec il arrivait plus. Bon, si vous avez d'autres numéros, n'hésitez pas. Hein. Sébastien, t'as pas de numéro de gens encore debout à sorci? Franchement, j'en ai plein dans mon répertoire. Ah bah parfait, parfait. Oh bah, on va les appeler. Ça, tu vas donner ça dans un instant à Sandro, évidemment. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, il y a Arthur également qui est avec nous là de Basse-Normandie. Salut Arthur. Oui, salut. Hey, salut, comment ça va? Ouh, ça sent l'adolescence. Ça va et toi? Ouais, ça va bien, super, et toi? Non, des trucs de voilà. Ouais, arrête, c'est pas ça que je veux faire, t'es con quoi. Vas-y, arrête, je te connais. Hey, t'as des images à échanger ou pas? T'as des stickers? Comment? T'as des stickers? Non. Je peux faire le malin parce que j'ai déjà plus de voix depuis une semaine, donc je vais m'arrêter là. Bon, Arthur, tu voulais réagir toi par rapport aux pirates, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Alors, tu veux dire quoi exactement? Bah, que moi, ça m'est arrivé sur un compte PlayStation et sur un compte YouTube et non sur un compte Gmail. Non! Quel bande d'enculés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, je jouais sur la PS3 et puis y a un gars qui m'envoie un message genre « Ouais, je vais hacker ton compte ». Et puis là, ça me voit, ça me met « Quelqu'un s'est connecté à votre compte, vous êtes déconnecté ». J'ai essayé de me reconnecter, sauf que ça n'a même plus marché. Non, et ça a dit ça? Moi, je vais baiser ta mère, non? Non, il a pas dit ça, non? Non, par contre, putain, il aurait dû dire. Il a pas dit ça non plus? Ouais, il m'habite sur ton front. Non, ça non plus? Non. Bon, et tu connais le mec qui a piraté? Oui, je le connais. Non. Et c'est qui? Il s'appelle ND. Donne pas son nom de famille. Hein. Ouais, donne une son pseudo, hein, ça ira très bien. Et tu lui as dit quelque chose? Mais pourquoi il a fait ça? C'est pour juste se faire chier ou vraiment pour... Non, même pas pour me faire chier. Bon, et t'as rien récupéré? C'est juste pour le plaisir. Ouais, juste pour le plaisir de faire chier le monde. Bah, je vais essayer la prochaine fois, je vais essayer d'appeler PlayStation pour voir. Ouais, voilà, tu les appelles. Exactement, voilà. T'appelleras directement en Asie. Bah ouais. Bah oui, non, mais t'as raison, hein. Tu fais ça avec le forfait du mec. Mais c'est parce que là, il est en train d'apprendre le japonais pour pouvoir communiquer avec les mecs de Sony. C'est une très très bonne idée, figure-toi. Ça peut être un très bon plan. Ça. On posera la question, tiens, d'ailleurs, quand on sera au Paris Games Week. S'il parle chez lui le japonais? Oui, exactement. Non, mais surtout par rapport au piratage, évidemment, ouais. Bon, et merci Arthur, en tout cas, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. T'as fait tes devoirs? Ok. Ouais, tes devoirs sont faits? Ouais. Sûr. Est-ce que je pourrais faire une dédicace? Non. Allez, vas-y. Attends, je te mets la musique de bonne nuit en même temps, hein. Vas-y. Ce serait pour une dédicace à Antoine, Edouard, Paul qui est mon frère, Marie et tout le BS quoi. Et bah voilà, très bien. Tout le monde au lit, maintenant. Allez, bah très bien Arthur, bah merci d'être passé hein. Ouais, y'a aucun problème. Allez, à bientôt Arthur, salut à toi, bye bye. Salut tout le monde, salut, ciao à toi Arthur. Et puis Sébastien qu'on va récupérer dans quelques minutes. Il y a Florian qui voulait donner son avis également. Et puis plein de gens là, il y a Émilie également là qui est là pour parler de la masturbation. Salut Émilie. Enfin oui, salut bonsoir. Plutôt. Oui, bonsoir Émilie. Attends parce qu'avant de parler de choses sérieuses, il y a Toff qui me fait des signes là. Bon attends, t'entends pardon, mal Toff. Oui, voilà. J'avais oublié d'allumer mon micro. Bah oui, forcément. Émilie, combien mesures-tu? Ah, moi j'ai fait 1,45. Ah oui. Et combien pèse-tu? Ah oui, 1m45, ça culmine pas des masses quand même, hein. 1m45, non, mais moi je pèse très pas beaucoup en fait. D'accord, mais c'est combien? Attends, très pas beaucoup. Ouais, 35 kilos. Ah ouais, bah oui, mais en même temps, 1m45, forcément, ça, c'est mieux. Elle est plutôt petite, hein, effectivement. Alors, quel est ton poids? Ça rentre dans la norme, 1m45, 35 kilos, ça va. Oui, mais voilà, c'est ça. Quel est ton tour de poitrine? Alors là, hein, 85 ans. Ah oui. Ah oui, oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36, 37. Ah oui, tout est proportionnel. Ah ouais, bah tout est proportionnel, effectivement. C'est mieux, c'est mieux. Bah oui, en même temps, tu imagines si elle avait du c'est le truc. C'est clair, sur 1m45, quelle violence. Bon, du coup, tu voulais parler de la masturbation, toi, Émilie, la 26 ans des Bouches-du-Rhône. Oui, en fait, au départ, j'avais appelé juste pour savoir s'il y avait le médecin, parce que la semaine dernière, j'avais appelé ma demande de rappeler. Ça, c'était il y a une heure, Émilie. Oui, mais j'ai pas entendu la radio et on m'avait dit de rappeler la semaine dernière, on m'avait dit de rappeler, donc j'ai rappelé. Ouais. Et je suis tombée sur ce sujet, quoi. Quel sujet ? Ben, sur le sujet de la masturbation. Ah oui, bien sûr. Ben, du coup, et du coup tu penses à qui quand tu te masturbes ? Eh bien, à mon chéri. À qui ? À son chéri. Ah oui, d'accord. Oui. Mais pourquoi ? Parce que tu y vas pas assez souvent ? Ah oh, non, pas assez souvent que ça. Hein. Genre, ça peut être deux à trois fois, on va dire, par d'accord. Deux fois par semaine. Mais jamais sur des stars ? Tu penses jamais à des stars ? Non. D'accord, ok. Sur Mickaël, jamais tu penses à Mickaël ? Oui, par exemple, oui, voilà, c'est ça, non ? Non, tout ça, sur mon chéri, quoi. Bon, d'accord, attends, il y a Aymeric aussi qui est avec nous, là, des Ardennes. Salut Aymeric. Salut Mika. Ça va bien ? Tranquille. Bon, tranquillement. Alors Aymeric, toi, c'est sur qui ? Toi, plutôt les stars ou plutôt des inconnus ou plutôt qui ? Bah, moi, c'est la mère d'un pote, en fait. Non ! Enculé, la mère d'un pote, ça c'est quand même bien crade. Franchement, sur la vie de ma mère, c'est vrai. Non, oui, mais attends, et quel âge est là, la mère du pote ? Elle est plutôt MILF ou plutôt quoi ? Ah, plutôt MILF, mon pote. Ah ouais ! C'est le rêve de Toff, ça, faut le savoir. Ah ouais, c'est le rêve de Toff, un truc de psychopathe. Il les aime âgés. Et oui, plutôt, et quel âge est là ? 35-40 ans. Ah oui, non, mais ça va, mais toi t'as quel âge ? 18 ? Ouais, bon, finalement, ça fait un peu plus vieux. J'ai 19 le mois prochain. D'accord, ouais, alors ça va. Ça va, ouais. Si t'as 19 qui arrive, ça va. Elle est comment ? Décris la MILF. Franchement, brune. Ouais. 1m70. Ouais. Vachement coquine. Ouais. Ça t'en sais rien. Non, ouais, franchement, ça, écoutez, pas dans ton fantasme. Non, franchement, écoutez. Une fois, elle nous a montré 4 beaux joujoux, 4 godes, mon pote. 4 godes. Non. Oh, genre tu vas chez la daronne de ton pote, elle te fait regarde mon coffret à jouets. Putain, moi je vais chez la mère de Toff, je suis perturbé hein, si jamais ça arrive. Non, mais t'imagines elle a pas le faire. C'est vrai, elle a 4 godes. T'emballes pas. C'est jamais. Elle a 4 godes, Mika. D'accord, non mais je vais me croire, hein, écoute. Et du coup, t'as essayé quelque chose ou pas ? Ben, j'aimerais bien, mais le problème c'est que, voilà, elle est avec quelqu'un et j'ai pas trop envie de m'incruster, mais franchement, ça me dérangerait pas. D'accord, bon, écoute, moi j'ai envie de te dire, essaye, on sait jamais. Bon, après, faudra assumer avec ton pote derrière, hein. Je suis pas sûr qu'il le vive très bien. Oui, qui ne tente rien à rien. Écoute, si tu veux, on peut essayer de l'appeler à l'occasion hein, pour lui demander directement en direct, hein, pas de problème. Hein. Ah bah voilà, ça peut être un très bon plan ça peut être. Bah reste avec nous Aymeric, la bouge pas de là. Émilie, merci à toi d'être passée. Y'a pas de soucis. Et tu reviens quand tu veux hein. D'accord, ben je vous souhaite une bonne soirée. Ça marche. Salut Émilie, ciao à toi. Et puis vite fait là, on va se faire la colle maintenant là. Benoît, 19 ans de Paris, t'es toujours là ? Ouais. Très bien, allez, on y va pour la colle, on t'écoute ouais. Benoît. Donc, je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je ? Vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Alors on proposait la lumière. Bah non, du tout. Le froid, oui ça peut réveiller tout le monde, ça fait pas de bruit. Ouais mais non. L'envie de pisser. Putain, ça m'est arrivé aussi cette nuit, c'est une angoisse ça. Non, bon d'accord, non, les yeux. Il y a Jessica. Non, Jessica du 85 qui proposait un somnambule. Non, mais ça non, pardon, elle a proposé un somnambule. Ah, un somnambule, oui, d'accord. On proposait le jour. Presque, mais non. Presque, mais non. D'accord. Ouais. Alors, je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je ? Le jour, ce n'est pas ça, mais presque, apparemment. Ça pourrait être un indice. Ça pourrait être. Bah, ça en était en fait, c'est pas. Ça ouais, pourrait ça pas. En état, ça en ouais. Bon, le cerveau. Ouais. Non. Manon qui proposait la lumière. Pareil, c'est un indice, mais non. Dans une pulsion, c'est Mickaël. Du tout. La vessie, le travail. Non. Non, c'est pas ça. Bon, bah non, très non, bien. Non, bon, bah si vous avez la bonne réponse, Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et puis, bah évidemment, rencard aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, bah Benoît. Ouais. Si tu veux, j'ai des numéros à appeler si tu veux. Ah bah parfait, tu vas donner ça à Sandro dans quelques instants au standard. On va les appeler dans quelques minutes, t'inquiète pas. Bon okay. Bah parfait, bah bouge pas de là Benoît, bouge pas de là. Et puis allez-y hein, pour la réponse, on donne la réponse dans moins de 30 minutes. Et puis Adixia qui est avec nous maintenant. Ramène-toi. Approche-toi. Donc Adixia qui est donc dans les ch'tis, on l'écoute souvent d'ailleurs. Hein. Hein, oui, on l'écoute souvent. Très souvent. On suit son parcours, Adixia qui était dans les ch'tis à Hollywood, c'est ça ? Oui. Très bien, non, mets le micro un peu plus bas parce que j'ai l'impression qu'il est trop haut là et t'ose pas descendre. Oui, ça fait longtemps, effectivement. Et Adixia, donc, qui vient à la base de la Louvière, en Belgique. Exactement. Pour être précis, exactement. Ouais. Et qui nous a perdu un petit peu l'accent, hein. Ouais. Ouais, bah elle a dû travailler. Non, toujours accent belge. Hein. Ah, d'accord, ok. Ah, me voilà. Ça nous rassure. me voilà rassuré, très bien. Bon, Adixia qui est passé nous voir, puisque bon, les ch'tis, évidemment, ça passe sur W9, ça marche bien. Même chez nous, ça marche bien. On a souvent l'occasion de récupérer quelques petits extraits à toi. Ouais. Oh, tu nous as déjà bien fait rire. Hein. On va pas jouer les faux culs non plus. On va les mettre dans quelques instants, puis tu nous diras à quoi tu pensais à certains moments quand il y a quelques sons qu'on a récupérés. À quoi tu pensais? Parce qu'il y a quand même des moments où je me suis quand même posé la question. Donc on va faire ça dans quelques minutes. Tu restes un peu avec nous. Ok, ouais, ça marche. Bon, très bien. Et puis, oh là là. Bon, bah vas-y. Ah bah oui, allez. Attends. Bon, je suis obligé, il faut que les auditeurs y soient bien. Oui, c'est vrai. Pour une fois qu'on a une file en studio. Exactement. Combien mesures-tu? Alors, je mesure 1m65. Combien pèses-tu? 49 kilos. Il faut manger maintenant. Bah attends, je suis arrivée à Los Angeles avec 40 kilos, je suis sortie avec 40 kilos. Oui, c'est normal. Ah oui, quand même, c'est ouais. Cool, hein. Alors, quel est ton tour de poitrine? Je sais pas. À peu près. Oh. J'en sais rien. Bah, si, dis-le, parce que sinon, tu vas devoir passer derrière ouais, pour voir. Ça, je vais trop bien les vérifier. 80. Attends. Mais... Vas-y, regarde. Il n'y a pas grand chose, hein. Ouais. Oh, non. 85B. Un bon B? Ouais. Ah, t'as vu, j'ai l'œil, moi, je suis un professionnel. T'es trop fort. J'ai travaillé chez Victoria's Secret. Ah là là. Ah, ouais. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 34. Ah ouais, ouais, ouais, 34. Attends, merde, du coup, j'ai pas qu'elle a. Ah bah oui, bah bravo. Bah oui, bah désolé, ouais. Comme ça, oui, mais pour une fois qu'on a, bah oui, mais bon, tu t'exprimeras tout à l'heure, c'est pas un problème. D'accord. Bon, Adixia, avec plein d'extraits qu'on va écouter dans quelques instants, tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à Hollywood. Yes. Des rencontres que tu as fait à Hollywood. Ouais. Et puis si vous regardez l'émission et que vous connaissez Adixia, vous l'avez vu à la télé sur W9, n'hésitez pas bien entendu à venir balancer tous vos messages. Le hashtag est Mickaël bien sûr sur le Twitter, sur le Facebook également, par SMS ou alors vous appelez directement Sandro au standard 01 42 48 5000. Allez, on s'écoute le son de Backer Matt maintenant sur Fun Radio. C'est Vandak et puis on fera un tour aussi du côté bien sûr des autres émissions dont on parle tous les soirs. Allez, il y a Brittany qui dit oh Adixia des ch'tis qui a débarqué. Oui, il est là, Brittany. T'inquiète pas, on en parle juste après ça. Bougez pas. Le son de Backer Matt sur Fun, c'est Vandak. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct, évidemment, minuit 9. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël, nos limites. Là, il n'y a plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on est en mode à la cool. Ouais. J'ai envie de dire, plutôt tranquille. Et il y a Adixia qui est avec nous aussi. J'ai fait une vous photo avec suivre. Adixia. Ah, ça y est, Polo, là, comment te dire que. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bah, ouais. Elle est belle, elle a des cheveux bouclés, elle sent bon, c'est vrai. Ah, ouais. Ça sent top, hein. Ça change de top. Ah bah oui, top, il est moche, il sent mauvais. Qu'est-ce que je te dis? C'est clair. Je suis tout son contraire. Oui, ah ouais. Ouais, exactement, ouais, exactement. Bon, il y a Florian qui dit à Dixie, est-ce que tu es en couple? Non. Non mais tu dis ça genre pour cela pour non, te la ramener parce que W9 t'a dit ouais surtout tu non, dis pas ça que t'es en couple voir, parce que ça va nous casser notre dossier. Bah comment ça se fait? Bah parce que bah voilà. Parce que toi fait intéressé alors physiquement est-ce que c'est ton risque? Ben non, hein, je sais bien depuis le temps. Fais ces mensurations qu'on me mesure. Voilà, pourtant c'est pas faux parce que ça fait des années qu'on connaît Addiction. Ouais. On l'a connue, t'es toute petite. Non, quand même. C'est pas. Ça fait... vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ah, attends, Addiction, ça fait combien de temps qu'il travaille le dossier là? Voilà. Surtout, ça fait combien de temps qu'il essaie de te serrer? 3 ans. Le seul truc qu'il a réussi à serrer, c'est la ceinture. Hein. Ouais. C'est dire qu'elle est tombée. C'est bon, j'ai aucune chance. Ah, le bouffon. 2-3 fois, je l'ai sauvé de tomber du bar, mais ça n'a servi à rien. Mais oui, ça m'étonne pas. Bon, et on t'avait. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'a découvert sur W9 dans les ch'tis. Oui. Alors, rassurez-vous, pour tous ceux qui nous écoutent en Belgique, ça passera sur Plug RTL. Mais alors, ils ont un peu de temps. Donc, d'ici 2019, à mon avis, ça passera. Sinon, on peut te suivre sur internet aussi, sur W9.fr. Ouais. D'accord, même si on est en Belgique, ça marche parce que je sais qu'il y a des enfumes. Non, tu peux pas suivre. W9.fr en replay. En replay, d'accord, ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as sorti ça? Pour le lavage de cheval. Hein? Qu'est-ce que. Pour le lavage. Ouais, c'est quoi? C'est les cours de France à la Louvière on n'avait pas les mêmes alors, partout. Je fais pas exprès. Hein. Non, il manquerait plus que ça. Non, mais pour c'est la lavage, pression, moi je la comprends, Adixia. Je vais la défendre ce soir, méfiez-vous. Je comprends, c'est la pression. Il a fait une photo avec elle, alors du coup, il se sent plus là. Ouais. Ouais. C'est normal, la c'est caméra, tout ça, mais oui. Bah ouais, ouais. Et là aussi, du coup, tu l'as pas fait exprès. Tu fais jamais exprès quand tu fais des fautes ou quand tu dis des conneries. Non, pas du tout, non. On te les demande pas. Non. T'es sûr ou tu dis ça parce que t'as la police derrière qui est en train de te braquer en disant attention, si tu dévoiles les programmes, je te pète ta gueule. Non, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Non, je fais pas exprès. D'accord, ok. On va pas dire qu'il a une batte au-dessus de sa tête. Hein. Ouais, oui. Et on demandait si t'étais encore en contact avec Paris Hilton puisque tu l'as rencontré. Ouais. On t'a vu te pavaner sur Hollywood, là, elle s'est ramenée, Alexia. Bon, ouais, donc Paris Hilton. J'ai plus de nouvelles, enfin, j'ai pas gardé contact, hein, donc voilà. Ouais, c'était une connasse, tu voulais plus entendre parler d'elle. Ouais, c'est ça, j'ai t'as fait un sale beaucoup coup. Paris Hilton, c'était une très très bonne boqueuse. On parlait de se branler tout à l'heure, là, moi je me suis branlé sur Paris Hilton. Sur Paris Hilton. Fois, oui, parce qu'il y a la sextape qui tourne un peu. Ah oui, c'est vrai là. Qu'il y en avait une, effectivement. Ouais. Il y a Pierre qui dit est-ce qu'il y aura des photos d'Alexia sur Facebook pour voir à quoi elle ressemble. Genre, tu sais pas à quoi elle ressemble. Ok. Bah non, mais on va en mettre alors. Bah ouais. On va en mettre, il n'y a pas de problème. Bon, et quand t'as dit ça parce qu'elle rire, toi. Elle croit, les filles, elles croient que je suis jalouse, tu vois. Ah bah oui, bon, enfin bon. Tout le monde fait la faute. J'ai compris. C'est parce que t'étais aux États-Unis, tu avais perdu un petit exactement. Peu le language. Exactement. Ok, un petit peu comme Jean-Claude. Voilà. Elle a failli finir comme lui, c'est pour ça qu'elle est obligée de revenir. Elle est revenue. Elle t'a rencontré qui comme star, du coup, Hollywood, à part Paris. Alors, à part Paris. J'ai rencontré un petit une tête de connard comme ça, il s'appelait Toff, il était venu dans les vacances, non? Non, j'ai vu Chris Brown dans sa Porsche. Ah, sympa. Dita Vantis. Dita Vantis, ouais, l'ex de Marilyn Manson. Ouais. Ouais. Bah, c'est tout. D'accord, très c'est bien. Déjà pas mal. Ouais, c'est tout, c'est déjà pas mal. Attends, il y a Florian aussi qui est avec nous, qui à la base voulait parler d'autre chose, hein, il voulait parler de piratage. Mais du coup, comme a dit Xiala, il s'est dit, bon, il y a une belle blonde qui est arrivée, du coup, je vais changer, Florian. Oui. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a déjà piraté tous les épisodes, donc. Mais oui, c'est ça. Bon, alors, Florian, tu voulais parler à Dixia, toi? Tu voulais lui poser une question ou? Bah, déjà, je voulais dire qu'elle était très jolie. Merci. Oh, c'est mignon. Et en plus, elle est célibataire, Florian. Ouais. Oui, je suis célibataire, ouais. Toi aussi, on va en parler. Aussi, là, ouais. Vas-y, tente. C'est vas-y, ça, tente l'affaire, on sait jamais. Tu veux que je te mette... sur un malentendu. Ouais, sur un malentendu. Attends, je te mets une petite musique qui va bien. Attends, regarde. Avec ça, tu penses que tu peux l'emballer, là. Voilà, là, t'es au top, là. Allez, vas-y, Florian, essaye. Qui ne t'entraîne à rien, fonce, mec. Surprends-moi. Ah mais vas-y, espèce d'abruti, va. Mec, je te donne une opportunité grosse comme une maison et tu la prends pas. Mais il est bête. On habite un peu loin, hein. Mais on s'en fout, ça, c'est mais rien. Mais c'est pas grave, fantasme. Hey, il fait le tour de France là pour les soirées avec les ch'tis, donc avec un moment ou un autre. T'es pas prévu de passer la Montélimar? Je sais pas encore. Si, elle a prévu. Elle a prévu. Tu vois, c'était l'occasion. Elle viendra pour le nougat. Voilà. Sinon, je peux monter sur Paris. Mais arrête de parler. Ah bah voilà. Agis. Chauffe-la. Voilà. T'as quel âge, Alexia? Quoi? T'as quel âge? 21 ans. 21, donc s'il y a des mecs qui sont... Parce que bon, Toff, on sait qu'il a aucune chance, c'est mort, hein, ça sert à rien. On s'est connus, c'était pas majeur. J'avais 19 ans, je crois. 18. 18. Ouais, plutôt un petit 18. Quoi. Ouais, tout juste, ouais. Bon, dites-nous, hein, si vous voulez tenter, on sait jamais, avec Alexia, sur malentendu. Bon, et donc toi, tu voulais dire quoi, toi, Flo? Flo. Bah, j'ai invité dans un bon resto. Ouais. C'est nul. Oh, Flo, mec. Après on finira en boîte pour déranger tous les deux. Ah bah parce que là, justement on l'a pas invité en boîte. Tu sais en fait comment te dire que l'inviter en boîte c'est un peu son taf, tu vois, tout le temps, donc ouais, c'est un peu. Je sais pas moi, vite là dans une soirée. Qu'est-ce que t'aimes bien, Dixia? Je sais pas, moi le cinéma. Ah tu vois, un truc basique et pas cher en j'adore plus, tu vois. Le cinéma, je suis spécialiste. Mais non mais j'ai pas toujours l'occasion d'aller, donc quand j'y vais je suis contente. Non mais voilà, c'est ça. Donc, j'aime bien le cinéma aussi, donc. Ah bah comme par hasard. Ah bah comme par hasard. Bon, comment te dire, Dixia, tu non. Quoi? Non. Florian, non, next. Bah non. Ah, tu vois, next, exactement. T'aurais dû faire l'émission, tiens. Bon, bah perdu alors, Florian. Hein. Tu voulais lui poser. Je vois dans le sens, tu voulais savoir c'était quoi le meilleur moment de l'émission? Ouais, son meilleur moment à Hollywood, ouais. Ah, à Hollywood. Mon meilleur moment, bah évidemment, c'est avec Paris Hilton. C'est quand je l'ai rencontré la première fois. D'accord. Bon, il y a d'autres moments, mais ça, voilà. J'en tu peux pas le dire parce que c'est pas encore diffusé. Il faut attendre. D'accord. Ok, très bien. Bon, attends, il y a Mathieu aussi qui est là. Salut Mathieu! Salut! Comment ça va? Ça va? Bah oui, tranquille. Bon, alors, on t'écoute, Matt, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, moi, je voulais demander si Adisha, elle était sortie avec Jordan pendant l'émission parce qu'à un moment, ça avait l'air vraiment chaud entre eux. Oh, le spécialiste! Ah oui, spécialiste là. Ouais, alors, parce que t'es parti à droite et puis après, il est revenu à gauche. Bah, avec Jordan, je répète, c'est de l'amusement. Je suis pas vraiment sortie avec. Enfin, voilà, c'était juste. Oh, tu t'es amusé quoi? Un plan cul. Ah bah voilà, mais c'est bien. Non mais t'as raison. Ouais, non, mais, Alicia, ouais. T'as raison. Voilà, bon ben bah, voilà. On peut pas lui mettre Mathieu. Un Ouais, mais moi, à la base, j'étais pas là pour ça, hein. Bah, non, mais je sais bien, t'inquiète pas, tu voulais parler de la masturbation, Mathieu. Bah voilà, moi, j'avais mon truc à balancer et tout, et ça me fait chier, quoi. Mais c'est pas grave, tu peux, hein, Mathieu, si ça arrive, c'est quoi ton problème? Bah, en fait, un jour, je me suis... Bah, je pense que les auditeurs, ils connaissent. À un moment, bah, je me suis branlé sur du hentai. Ouais. C'est-à-dire, c'est des mangas japonais, ouais. Tout ça, enfin, bref. Des mangas de cul, hein. C'est ça. Ouais, voilà. Et à un moment, en fait, le héros, bah, il y avait un aspirateur et tout, et du coup, j'ai voulu essayer. Non, mais t'es pas sérieux. Et tu t'es mis le skate, non ? J'ai juste voulu essayer, en fait, parce qu'en fait, il y avait un aspirateur dans la chambre de ma sœur et tout, enfin, bref, il y avait personne chez moi. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai mis l'aspirateur, bah, j'ai mis ma bite dans l'aspirateur. Non, mais t'es pas sérieux. Non, mais juste pour essayer. C'est oui, pas bien problème, même, en fait. Même pour essayer, enfin, il te manque une case. Non, le problème, c'est que ça m'a aspiré la boule. Ah bon, un aspirateur? Et du coup, ça a fait un vieux plouc. Et du coup, je me suis fait aspirer la boule. Oh, et là, j'ai eu vlamage. Non, mais t'es sérieux? Du coup, en fait, j'ai retiré l'aspirateur vite fait parce que franchement, ça fait trop mal. Mais bah oui. Et là, je me suis dit, plus jamais de hentai, hein. Franchement, le hentai, c'est pour les cons. Puisque dans autant, les trucs ménagers. Regarder du porno. Ouais, voilà. Mais dans un toaster la prochaine fois. N'hésite pas. Essaye le toaster, ouais, ça peut être une bonne idée. Un toaster, une bonne idée. Et là, du coup, moi, ouais. Je voulais passer. Du coup, dédicace à l'UT, c'est pas brilleux. Ok, très bien, Mathieu. Ah, ouais, comme quoi, Saint-Brieuc, ils ne sont pas tous finis, malheureusement. Ouais, ouais. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez. Il y a Nad aussi qui dit, Mickaël, attends, mais tu es super charmant et j'adore ton émission, bonne soirée à tous. Ah bah merci, Nad. Lilou qui dit, bonsoir, présente avec une heure d'absence, un coup de pelle, ça te dit? Bah évidemment, et comment? Et puis Benji qui dit, mort de rire, Adixia, je l'aime bien. Léa qui dit, les phrases cultes d'Adixia, j'adore. Et alors, des gens qui voulaient les photos d'Adixia, on va vous les mettre, bande de pervers. Oh là là, il n'y a pas de problème, oh là là. Moi, bon. J'ai la mienne perso. Il va la mettre d'ailleurs, il est très content, content. Je vais l'envoyer à tous mes potes. Est-ce que t'as des trucs qui vont suivre là bientôt là? L'actu, quelque chose, un album. Est-ce que tu vas te mettre de la chanson? Ouais, je vais persévérer dans la musique, ça ouais. Ouais. Maintenant on verra, j'ai des petits singles. Voilà, on verra. Petit single qui arrive, bon très bien. Ouais. Il y a aussi Emeric qui est avec nous là. Salut Emeric. Salut Mika. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon très bien. Alors Emeric, toi tu voulais aussi parler entre autres Adixia. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, très bien. Pour ceux qui débarquent, Alixia, donc dans actuellement, c'est tous les... C'est diffusé quand? Je ne sais même plus. C'est tous les jours, à 18h30. Enfin, quelque part par là, quoi. W9.fr, vous regarderez la grille des programmes. On travaille pas pour W9, jusqu'à preuve du contraire. Bon, donc du coup, voilà. Donc, elle est dans les ch'tis Hollywood. Voilà. Alors, Emeric, tu voulais dire? Bah, que Adixia, franchement, j'ai jamais vu une fille aussi jolie. Franchement, merci, c'est waouh. Merci. Oh, Emeric, bah alors. Ouais. Et que, si franchement, je ferais n'importe quoi pour prendre une photo avec elle. Oh, et bah, viens devant la radio. Et bien, si tu as 500 euros, je peux m'arranger. Oh, ouais, c'est mignon. Oui, c'est ça, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Bah, tu veux qu'une photo? Bah après, si c'est possible de boire un verre et d'aller au cinéma et de manger Attends, je lui demande là. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Voilà, bon bah je pense que c'est mort. Ah, il me semblait bien. Ouais, je pense que... Tu vas être gratté, gros con. Voilà. Non mais bon, Emeric, t'inquiète pas, peut-être un jour, qui sait, sur un malentendu, hein. Ouais, peut-être. Bah on sait jamais. Un jour. Bah qui ne t'entend rien à rien. Mais voilà, c'est ça. Bon, après vérification, on n'était pas loin, c'est 19h45. Hein. On avait dit 18h30, mais c'est 19h45, voilà, c'est pas très très loin. Non mais c'est sur W9, exactement. Ouais, ouais mais ça, on aurait fait de l'audience pour W9 avant. Bah oui, voilà, oui, exactement. Attendu. Exactement. Et Erwin aussi, qui est là. Tu connais les ch'tis, toi, Erwin? Erwin? Erwan, c'est mieux. Ah Erwan. Ah oui, merde, putain, oui. Bah je suis con, j'allais dire aussi, putain, Erwin, c'est nul. Oui, c'est Erwan. Ça va Erwan? Bah ouais toi. Bon t'appelles de Lyon toi. Est-ce que tu regardes aussi les ch'tis? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Et tu connais Adixia la brune? Bah bien sûr, mais elle est blonde, non? Ah oui, non, c'était un test. C'était un test. Voilà, très bien. Bon et une question à poser ou tu voulais juste passer comme ça pour dire bonjour? Ah non parce que j'avais un sujet, moi on m'a dit que je passais pour un sujet à la base. Ah ouais non mais t'inquiète, non mais c'était pour savoir si tu suivais aussi un petit peu les ch'tis en particulier ou pas, si tu regardais. Ah bah ou ouais, pas. Ouais je regarde les ch'tis, ouais bah je voulais dire bah qu'Alicia va aller parfaite quoi. Ah, merci, non gentil. D'ailleurs mais, on avait. Ouais, on a... ouais vas-y. Je suis pas si parfaite que ça. Si t'es parfaite, si. Oh, attends, oh bah quand même. Ouais voilà, exactement. Habillé encore en Victoria's Secret j'imagine. Ouais. Ah bah ouais, ça, j'ai l'œil, je suis un spécialiste. Attends, c'est la lingerie Victoria's Secret. Comment tu sais qu'elle porte du Victoria's Secret? T'inquiète pas. Il a l'œil, bionique. Exactement, j'ai l'œil. Moi, je passe à travers les vêtements. Il a l'œil bionique. Ah, oh, le kiff, n'empêche. Oui, mais c'est vrai. Il y a Pierre aussi qui dit après, si Adixia est une bombe, elle peut se lancer dans le mannequinat. Ouais. Oui, c'est une idée. Trop petite pour le mannequinat, mais bon. Bon, 1m65, ça va. Bon, ça va, pas non plus chipoter. Non. Bon, bah très bien. Puis t'inquiète pas, on a le bras long ici, on peut se débrouiller. Toff, il fait des sciences avec son appareil photo oui. Dans le studio d'à côté. Si tu veux, des séances de mannequinat. Bon, oui, malheureusement, je les mets sur des sites un peu offshore. <D'accord, ouais. rire> Un peu particulier, mais bon, voilà quoi. Bon, bah Erwan, reste avec nous, on va reparler avec toi dans quelques minutes, d'accord? Ouais, y'a pas de soucis. Bon bah très bien, bah bouge pas de là Erwan. On va se mettre Global DJs comme ça on va mettre 2-3 photos ouais, avec Adixia sur le Facebook. Comme ça pour ceux qui connaissent pas vous allez pouvoir voir facebook.com/mikaelofficiel. Je vous mets ça dans quelques secondes. Pareil sur le Twitter évidemment, n'hésitez pas. Et puis on va encore refaire un petit appel avec Toff là aussi hein. Mais allons-y. Ah bah, on y va parce que je rappelle que la règle donc c'est quand tu te masturbes à quoi tu penses. Plutôt à des gens connus ou plutôt à des inconnus en gros. Plutôt à des stars ou plutôt à monsieur tout le monde. Éventuellement quelqu'un que tu connais Adixia. À moi, ben moi je me masturbe pas. Bon, elle a pas besoin, elle a son plan cul. Bah. Ah, exactement. Non, je me masturbe pas. Non, jamais. De temps en temps, ça m'arrive. Ah, voilà. Mais tu penses plutôt à des stars ou plutôt à. Non, je sais pas. Oh non, pas à moi. Non, vraiment, ça me gêne. Écoute, on est l'un en face non, de l'autre là. Pas, non, je pense pas à une star. Franchement, non. Pas une star, mais je suis pas une star. Hein. Non, mais je sais pas. Je sais pas, j'imagine un mec, un beau mec. Ah. Très bien, t'as vu, on est l'un en face de l'autre quand même, c'est quand même beau. Hein. Oh, ça, ouais. Voilà, c'est tout. Quelle chance, ça s'est fait ce comme Mickaël, ça, qu'est-ce que tu veux. Ah mais oui, mais qu'est-ce que tu veux. Bon, on appelle. Mais allons-y. On va leur demander justement si à quoi ils pensent justement les gens là. C'est parti. Voilà, parfait. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir à qui vous pensez quand vous vous masturbez. Pardon? Bah, quand vous vous caressez, vous pensez à qui? Non mais ça va pas non. Bah si. C'est qui? C'est Toff. Vous pensez plutôt à des stars ou plutôt des gens que vous connaissez? Non mais t'es pas tranquille toi pauvre taré hein. Bah pourquoi vous me dites ça madame? Non mais t'as vu la question que tu poses espèce de pervers. Bah enfin moi je vous demande juste à qui vous pensez, je vous demande pas comment vous faites. Ah merde, elle a raccroché, attends, on va le rappeler. Espèce de pervers. Putain c'est la première qui se rend enfin compte de qui elle parle. Bon on rappelle. on rappelle. Allez. Oui, allô? Oui, c'est qui là? Oui, Toff à l'appareil, monsieur. Mais c'est qui, Toff? Bah, c'est moi, monsieur. Bah, t'es qui? Bah, je suis moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mais pourquoi tu téléphones à ce numéro-là? Bah, pour savoir, en fait, à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Et mon poing dans ta gueule? Bah, je vois pas le rapport, monsieur. Moi, je vous demande juste si vous pensez plutôt à des stars ou plutôt à des inconnus. Mais c'est quoi votre question, là? Bah, c'est une question, donc quand vous vous astiquez le manche... Est-ce que vous pensez à des stars ou des gens que vous connaissez ou peut-être des inconnus? Allô? Ah merde, je crois que t'as foutu un double appel. Attends, on le rappelle encore un coup là. Bah il est con là, pourquoi il a raccroché? Il a mal dans ta gueule hein. Donc elle va arriver, Toff, attention, ça va pas tarder à arriver ça. Allez. Oui, allô? Oui, excusez-moi, mais ça n'a toujours pas répondu à ma question. Ouais, quoi? Bah en fait, je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Ouais, t'es qui gros con? Moi je suis Toff. Ouais mais Toff de quoi? Bah Toff de Toff. Toff de Toff. Mais ça me dit pas qui? Je connais pas de Toff. Bah non on se connaît pas, moi je veux juste savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Ouais et qui c'est qui t'a donné mon numéro gros con? Bah l'annuaire. L'annuaire, mon cul je suis en liste rouge. Bah faut croire que non puisque j'ai trouvé le numéro. Ouais bien sûr, ce serait pas plutôt un Vincent qui t'a donné mon numéro? Je sais pas, je connais pas de Vincent moi. Ouais bien sûr, prends-moi pour une conne. Bon j'oserais pas, moi je veux juste savoir à quoi vous pensez quand vous masturbez. Ouais et je gagne quoi si je te réponds? Bah juste ma sympathie et je raccroche. Ouais, c'est ça. T'as raison. Bref, pauvre connard. Oh, toute cette vulgarité alors que... Ah bah non, alors qu'elle te raccroche au nez comme toutes les autres d'ailleurs. Ouais, bon, scandalisé. Bah oui, je suis assez d'accord. Bon, on rappelle encore d'autres personnes tout à l'heure là. Continuez à balancer les numéros si vous avez des numéros qu'on peut appeler éventuellement de jouer encore debout à sortie. Vous allez envoyer tout ça sur sandro@funradio.fr. Continuez à balancer tous les messages également. Hashtag et Mickaël sur le Twitter évidemment. On met la photo avec Adixia dans quelques instants. Le temps d'écouter Global DJs. C'est Kids sur Fun. 23h-2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Bon, et on va mettre la photo dans quelques instants. C'est-à-dire que Paul a mis tellement de temps à la faire là. Paul, ah là. Mais je suis impressionné par cette beauté. Il était perturbé là. Elle est magnifique. Ça y est, il la voyait, ça tremblait partout. Bon, je vais dire un truc, mais le prend pas mal, c'est un compliment. Elle me fait penser. Attention, j'ai peur du compliment là. Non, parce que vous connaissez ma passion pour les boîtes de striptease. Et Adixia me fait penser. Non, mais c'est un compliment. Les stripteaseuses. Ouais. c'est mais c'est magnifique. Mais non, mais pour moi c'est un compliment. Adicia, elle prend pas. Non. Mais si. Elle va te mettre une patate dans la tronche. Il y a plein d'autres choses que striptease. Bah quoi? Non, pour moi c'est le haut du haut du haut. Ah, c'est le high level. Le summum de la femme. Voilà, c'est le summum. Avec Polo. Non mais avec Polo, faut le prendre comme un compliment. C'est un compliment. Il y a Sinan aussi, Alex, qui dit tu peux dire Adicia que c'est la fille la plus belle du monde et c'est juste la vérité. Je suis amoureux d'elle. Oh, c'est mignon. Et alors il y a Sun Sun qui dit depuis que j'écoute Mickaël, mes insultes ont tellement évolué. Ah t'as vu hein, on est fournisseur officiel. Et Megumi qui dit nous les filles on pense pas spécialement à un mec, ouais, mais plus à une situation qu'on ressent au niveau de la masturbation. Bah très bien, on continue à en parler dans quelques minutes. Et Ludovic qui dit moi je dis qu'Alexia c'est la meilleure même avec ses phrases cultes. Ah merci. Oui c'est vrai qu'elle en a fait quelques-unes des phrases cultes, hein, on les a écoutées tout à l'heure. Hein. Et Théo aussi qui dit pour Adixia, Carlito est vraiment neuneu ou il joue un jeu? Ah non, il est vraiment comme ça. Ah c'est vraiment un mongolien alors. Ah ouais. D'accord. Non, mais enfin oui, mais. Voilà. Non, bah oui ou non alors. Bah oui. Bon, très bien. Mais ça, c'est aussi. Oui, on a pas oublié ce qu'il y a. Je t'aime, t'as dit que c'était la meilleure, c'est Alexandre qui avait envoyé le message. Bon, et concrètement, t'as un petit Facebook où les gens peuvent te joindre? Ouais, alors j'ai une page officielle qui. Waouh, je l'ai connue, elle était toute petite, elle avait même pas de Facebook. Mais non, elle a une page officielle et tout, là, la classe. Non, j'avais déjà une page officielle. C'est vrai? J'avais 2000 j'aime. Ah bah oui, ouais. Mais non, t'en as combien? Alors, 15 000, je crois. Ah, quand même, pas mal. Alors, c'est Adixia, page officielle. Ouais. Mon Twitter, c'est @Adixia. D'accord. Mon Instagram, c'est @Adixia. Très bien, voilà. Donc sur Instagram, bah, Bolo va directement y aller. Et ton numéro de téléphone, c'est et tout ça, c'est, et bah, c'est @00. Alors, c'est 04. Il va noter directement, tu vas voir, pervers comme il est. Bon, alors je suis amoureux d'Alix. Non, je sais, c'est l'amour. Ah ouais. Ça alors. Bon, est-ce qu'on te retrouve prochainement alors, pour ceux qui veulent te suivre? Là, t'étais à Bordeaux récemment. Ouais, alors samedi, je suis à Bourges au Dream Club. Au Dream Club, hein. Yeah. Okay. Avec Coralie, Charles et Sofiane. D'accord. Et à suivre après, encore un petit peu partout, à gauche, à droite. Ouais, ouais, un peu partout. Mais très bien. Donc on suit tout ça sur ton Facebook. Voilà. Ouais. Bon, eh ben écoute, c'est parfait. Alors, ouais. Bon, tu vas encore. Et bon, ok, d'accord. C'est vrai qu'on peut pas en parler parce que c'est pas encore diffusé à l'antenne. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres des comme ça? Pour le lavage de cheval. Ah bon, ça on peut dire. Est-ce qu'il y en aura encore des phrases comme celle-là? Ouais, je crois qu'il y en aura encore. Non, ah parfait. Ouais. Tu viens de m'égayer ma soirée là. C'est parfait. Ouais, non, mais je crois qu'il y en aura encore. Non, mais très bien parce qu'il y avait celle-là aussi pour celle qui débarque. Parce que toi. Elles croient, les filles, elles croient que je suis jalouse, tu vois. Ouais, alors que t'es pas jalouse. Hein, c'est connasse. Non, elle est pas comme ça. Voilà, t'es jalouse ou pas toi? Bah, ça dépend. Bon, c'est quoi ton mec parfait? Alors, on va directement faire un ménage directement au niveau des auditeurs, là, ceux qui débarquent et qui disent ouais moi j'ai mes sens chez Mickaël. Moi j'ai quand même un truc en plus que tous les mecs, j'ai une cicatrice sur le crâne. Oh, génial. Regarde la classe. Ouais, c'est ça. Qui s'est fait avec un ouvre-bouteille parce qu'il est sorti de ses mains. C'est une bagarre dans un bar mal famé de Macao. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors du coup c'est quoi ton homme idéal? Physiquement ou... Oui, bah, bien sûr. Ouais. De toute façon, il faut pas se leurrer. Hein. La majorité des gens disent oui, mais intérieurement, blablabla, on sait très bien que tout le monde s'en fout. Voilà. Non, mais elle a raison. Physiquement, bah, j'aime bien les bruns. Ouais. Les cheveux bruns. Surtout, impérativement, je veux qu'il ait les yeux bleus. D'accord. Ah, okay. Oh, la meuf, elle est pas relou, tu vois. C'est-à-dire que. Ouais, tu mets des lentilles, tu fais pas chier. Ouais, voilà, pas c'est trop ça. Petit. Ouais. Pas trop petit. J'aime bien les tatouages, mais pas trop non plus. D'accord. Est-ce que t'aimes bien les piercings? Oui, j'adore les piercings. Peut-être, t'as tes chances, hein. Il a les yeux bleus. J'ai les yeux bleus, bon brun, on peut s'arranger. Non, j'aime les piercings, mais pas sur les mecs, quoi. Enfin, sur moi, je... Ah, pardon. Non, mais t'inquiète pas, tu le vois pas chez toi. Enfin, il est la surprise à la fin, tu sais. La surprise sur le gâteau. Et quel gâteau dégueulasse. Bon, et donc. Et bah voilà, quoi. Bah c'est pas mal. Voilà, c'est quand même bien. Enfin, ah bah voilà. C'est déjà bien détaillé, hein. J'ai une Porsche. Pas trop musclé aussi. Musclé, mais pas trop. Ouais. Musclé mais pas trop. Bah bon, ouais. Ça c'est plutôt positif. Tough. Ah non, bah toi t'es mort. Hein, parce que t'as fait méga musclé. Je suis le muscle même. Il n'est qu'un muscle. Voilà, je n'ai qu'un muscle. Il n'y a que ça. Et Joe Foury qui dit Adixia me fait penser à Cameron Diaz. Ah ouais, bah ouais. On me le dit souvent. Cameron Diaz. Ça ramène. Kesha, et quand j'ai les cheveux bouclés, Shakira. À Shakira, ouais. Ah ouais, un peu. Ouais. Bah on verra. De toute façon, les cheveux bouclés maintenant. Je vais vous la mettre dans quelques instants. Pas Adixia, hein, mais la photo sur le sur le Facebook donc de l'émission facebook.com/Mickaël officiel. Bon bah merci Adixia en tout cas d'être passé. Ben merci à toi. Et puis vous suivez Adixia, les ch'tis Hollywood sur W9 à 19h40. Dédicace à mes petits ch'tis. Non. Oh. Attends, il me manque. Hein. Bah oui, surtout au plan d'asseoir. Voilà, Sofiane. Surtout au plan cul. Ouais, non. Oh quand même. Non. Comment il s'appelait encore? Jordan. Jordan, d'accord. Ok. Ouais. Bon, il était bien au lit ou? Ça va. Un peu rapide. Ouais, quand même. Combien de temps? Non, mais ça va. C'est non, mais en termes en timing. Que ça a duré? Ouais. Je sais plus. Cette question. Je sais plus, moi. 5 minutes? Non. Ah, je sais pas, je demande. 10 minutes, quand même. Ah, ouais, 10 minutes. Ouais. 10 minutes, c'est pas cher payé non plus. Ridicule. Quoi, ridicule. Ah, ouais, 10 minutes, c'est pas cher payé. Ah, ouais. T'es un peu frustré après. Quoi? T'es un peu frustré après. Ouais. Bah, je suis moche, mais je t'en donne 15, moi, si tu veux. C'est faux. Ouais, mais parfois, mieux vaut la qualité que non, la quantité. Ouais, de toute façon, moi, je j'aime pas quand ça dure longtemps. Ah, bah voilà, très bien. Parfait. Donc, si vous êtes brun, vous êtes tatoué, mais pas trop, vous avez les yeux bleus, mais pas trop, et qu'en plus, vous êtes précoce, parfait. Voilà. Non, pas trop non plus, précoce. Hein. Ouais, après, bon. Si c'est court, après. Alors j'en reviens encore. D'accord, ok, très bien. Bon, ben voilà, comme ça au moins tout est dit, quoi. Bon, ben merci Adixia. Ben merci à toi. Ben, avec plaisir, et puis tu reviens quand tu veux. Hein. Avec plaisir. Ben à la fin des ch'tis, tiens, quand on aura encore plein de sons à diffuser. J'aurais beaucoup à dire, donc... Parfait, ouais, parce que là, le problème, c'est qu'elle ne peut pas parler, hein, c'est ça. Elle est encore muselée. Il y a la police derrière. Exactement. La police du PAF. La police est là et elle guette. Elle guette, ils sont armés. Et elle guette les moindres mots qui sont dits. Bon, voilà. C'est dommage. Ouais. Bon, salut Adixia. Salut Mickaël, bisous. Allez, tout le monde. Gros bisous Adixia. Bon, et puis du coup, on va récupérer Sébastien là avec son problème de piratage. Et puis Florian également là qui voulait aussi répondre à Sébastien. T'es là, Flo ? Oui, je suis toujours là. Bon, parfait. Alors, vas-y, dis-nous. Attends, juste un truc. Il y a Manu qui vient envoyer un message sur le Twitter qui dit Adixia est tellement belle que mon ordinateur s'est transformé en qualité Windows 8. Une vanne de geek, à mon avis. Mais... Et qu'elle a compris, n'hésitez pas à bladonner. N'hésitez pas à traduire. Donc je recommence. Adixia est tellement belle que mon son d'ordinateur s'est transformé en qualité Windows 8. Ouais, c'est encore une vanne de geek. Hein. J'avais merdé sur la première prononciation, mais ouais, il doit y avoir un souci. Ouais. Bon, bah alors dis-nous, Florian, tu voulais réagir à Sébastien, toi, on t'écoute. Oui, donc il y a 2 ans, je me suis piraté mon compte Hotmail. Ouais. Et le pirate demandait à mes contacts de l'argent. Ouais. Mmh. Et il a insulté aussi plusieurs de mes contacts. Quand j'ai appris ça, ben, j'ai envoyé plusieurs mails à Hotmail d'un autre compte. Et il m'a envoyé plusieurs mails pour que je certifie que c'était moi le propriétaire du compte piraté. D'accord. Et j'ai pas compris. Ah, c'est pour que lui récupère son compte ? Oui, pour récupérer mon compte, j'ai envoyé plusieurs mails à Hotmail. Ah oui, à Facebook. À Hotmail, pardon, ouais. Ouais. D'accord, à Hotmail, d'accord. Ouais. Pour prouver que j'étais bien le propriétaire du compte piraté. D'accord. Et ça a duré plusieurs jours et après vérification, Hotmail a réinitialisé mon mot de passe et j'ai pu récupérer toutes mes données. Ah ben voilà, tu devrais faire ça Sébastien. Ouais, c'est pas compliqué, plusieurs... ouais. Bah mais oui, ça prend plusieurs mois, vu que ça fait une semaine. De quoi, j'ai pas compris. Ça fait peut-être un peu trop tard, moi, c'est une semaine déjà, non. Bon, faut voir, après, bah, t'as qu'à essayer, hein, t'as rien à perdre. Ouais, c'est clair, bah, j'ai déjà tout perdu donc. Ouais, bah voilà, c'est ça. Faut partir de ce principe-là, effectivement, ouais. Bon, bah voilà, et c'est que ça Sébastien, tiens-nous au jus, hein. Ouais, pas de soucis, ouais, je te rappellerai avec... Bon, avec plaisir, tu reviens quand tu veux, Seb. Et bah, y'a pas de soucis. Et bon. Dis-moi, tu peux m'offrir un petit truc, non, pour le 15 Attends, écoute, qu'est-ce que je peux avoir en stock, là? Je peux être gratté, gros con. Ah, voilà. Ouais, c'est de la 20. Oh, on va te filer un pack fun, Seb, tu vas retourner chez Sandro, on va prendre toutes tes coordonnées. Vas-y, ça marche. Ça roule. Salut Sébastien, salut Olivier, Lionel, à bientôt. Et merci Florian d'être passé, tu reviens toi aussi quand tu veux. Hein. Ouais, merci à vous, bonne soirée. Salut Flo, et puis on va parler encore de la masturbation dans un instant, mais avant cela évidemment, c'est parti pour la colle. Ah. La colle avec Benoît là, t'es là Benoît? Ouais, je suis là, ouais. Oui, très bien. Alors, Benoît de Paris donc qui avait une colle, donc je ne fais aucun bruit, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je? Il fallait évidemment répondre correctement à cette colle par SMS ou alors via le Facebook de l'émission. Et on appelle maintenant quelqu'un. Si cette personne a la bonne réponse, il ou elle gagne. Sinon, c'est pour toi. D'accord? Ok, ça marche. Allez, on y va. Moi, je croise les doigts. Hein. Ouais, bah. Ah, bah, répondeur. Oh, c'est bon, répondeur, ça. Répondeur. Oh, c'est bon, ça. Alors, attends, Benoît. On va quand même poser la question au répondeur. Je ne fais aucun bruit, pourtant, je réveille tout le monde. Qui suis-je? Bon, visiblement le répondant n'a pas la bonne réponse. Allô, le répondeur. Donc j'ai envie de dire que c'est déclaré forfait, Benoît, c'est gagné. Bravo. Ouais. Eh ben voilà, on a gagné. Non, toi t'as rien gagné. Bon ben voilà, PlayStation 3 du coup pour toi. Et c'était bien le répondeur, hein, pour le coup il y avait juste un bip malheureusement. Mais on n'a pas de message, on sait pas qui tu es. Mais bon ben c'est pas grave du coup. Quoi qu'il en soit, quand il ou elle se réveillera demain matin et entendra le message, je pense qu'il sera bien vénère. C'est dommage, mais c'est comme ça, pas Benoît. Hein, à moins que tu veuilles qu'on rappelle quelqu'un d'autre au hasard. Ah non, c'est bon, t'inquiète. Non, c'est bon, t'inquiète. T'es sûr? T'inquiète, ça va aller. Ouais, non, je suis sûr et certain là. Bon, d'accord, ok, comme tu veux, pas de problème. Bon, bah bravo, ouais. La PlayStation 3, ouais, la dernière de la semaine, est à gagner. Tu passes une dédicace? Ouais, vas-y, ou Ben. Ouais, je passe une dédicace à Théo, Alan et à Florane. Voilà. Théo, Alan et Florent, et ben le message est passé, très bien. Voilà. C'est bien parce que Adixia vient de passer que je suis encore un peu perturbé. Sinon, je t'aurais grillé sur le fait que tu passes un bonjour à tout le monde là. Hein? Non, t'inquiète. Ouais, je m'inquiète. J'aurais pas osé. Non, et ben non, presque pas, tiens. Juste à peine. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, très bien. Salut Benoît. Et bah, bravo à toi. PlayStation 3 et Beyond Two Souls donc à gagner. Et n'oublie pas, du coup, n'oublie pas, t'es fan de jeux vidéo, Benoît? Ouais, ça va. Bon, d'aller voter aussi pour ton jeu vidéo de l'année sur funradio.fr. Ouais, c'est déjà fait, ouais. Ah, t'as voté pour qui? Je l'ai fait. Je crois que c'est Call of Duty. Bah, très bien. Ouais. Bon, bah, les autres, voilà. Allez-y, hein, mettez votre grain de sel aussi dedans. On va voir quel est le jeu vidéo de l'année quand on sera au Paris Games Week à la fin du mois d'octobre. C'est le 20. Merde, j'oublie, à chaque fois j'oublie la date. Le 30. Ah, c'est le 30 octobre. Ah, bah le 30, bah voilà, très bien. Bon, on sera là le 30 octobre. Et puis vous gagnerez vos places aussi pour venir avec nous en avant-première, puisque ça ouvre le lendemain en fait. Nous, on sera là, on fera l'émission en mode VIP. Et en plus, ça, vous allez pouvoir tester, enfin, si je la lâche à un moment, la PS4 et la Xbox One. En avant-première, elle sera là, elles seront là toutes les deux. Bon, bah salut Ben. Salut. Allez, l'équipe. À bientôt, ciao. Et puis, ciao. Dans quelques instants, on va se faire un petit canular aussi. Hein. C'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure. Hein. On va accueillir, je ne sais pas qui, mais on va le faire dans quelques minutes, le canular. Donc bougez pas de là sur Fun Radio. On va également s'écouter le son de. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Un petit Selena Gomez, Slowdown? Ça me paraît un bon plan? Ouais. Allez, bah, c'est parti. On écoute ça maintenant sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Tiens, un message de bienvenue si possible, c'est Samuel. Bah, je vais te le mettre dans quelques instants. Là, bouge pas, tout de suite. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Voilà, il y a la photo qui est sur le Facebook, hein, pour aller voir facebook.com/Mickaël officiel avec Adixia là, des ch'tis à Hollywood qui viennent passer brièvement dans l'émission. Oh là là, ça y est, c'est fait, rappelle-moi. Voilà, bon, la photo est là pour ceux qui ne voyaient pas à quoi elle ressemblait. Bah, elle est plutôt mignonne en même temps, hein. Très mignonne, mais oui. Et magnifique. Voilà, facebook.com/Mickaël officiel, allez voir. Et puis un message donc de Samuel qui voulait un petit message de bienvenue. Bon bah d'accord, Samuel, alors attends. Oh mais ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu notre ami Carolo là. Ouais. Hein, c'est vrai ça, ça fait un bail. Allez, oui, hop, c'est parti. Mais oui. Ta gueule, connard. Voilà. Enculé de ta mère. Mais oui. Bon, et un message de Stéphanini qui dit le mec s'est branlé dans l'aspirateur. Putain, mort de rire, le con. Loïc aussi qui dit vous déchirez grave l'équipe. Merci à toi en tout cas pour le message. Jen qui dit moi je pense à Toff pour me passer l'envie de me toucher. Je te remercie, Jen. C'est par rapport à la question du jour. Donc, à quoi pensez-vous quand vous vous masturbez à une star éventuellement? Ou à qui d'autre en fait, un star ou un inconnu par exemple. Vous êtes de ces moqueurs morts de rire, c'est Brittany, pas du tout. Et Megumi, qui dit comment peut-on rêver un rêve érotique avec Mickaël et Toff en même temps? C'est comme si tu mangeais du chocolat et de la viande avariée, lol. Mais qui est le chocolat et qui est la viande avariée? Attends, évidemment, c'est ça la moi question. Moi j'ai bien une idée. Ah bah écoute, je sais pas. Hein. 73VW qui dit est-ce que Toff est toujours un bouffon? Si c'est le cas, donne-lui un coup de pelle de ma part. Sinon, bah, c'est pareil. Bah, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, j'ai mis une photo de la pelle avec laquelle je le tape. Hein. Elle est sur le Facebook également. Hein. Vous pouvez aller voir facebook.com/Mickaël officiel. Surtout, n'hésitez pas. Bon, allez, bienvenue tout le monde. Et puis, on va accueillir également maintenant Jonathan qui est avec nous. Bonsoir, Jonathan. T'appelles pour quoi? J'appelle pour faire un canular à mon meilleur ami. D'accord, ok, très bien. Alors, meilleur ami de quelle date? C'est-à-dire depuis quand tu le connais? Ça fait depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Depuis 6 ans, ah oui. Ah, depuis que tu as l'âge de 6 ans. Ah oui, d'accord, okay, oui. Donc t'en as 21, donc ça fait quand même 15 balais quoi. Ouais. Qu'est-ce que je suis bon calcul mental. Ouais, t'es trop fort, Mickaël. T'as vu ça trop un petit peu là, Toff? T'es une grosse salope. Alors tais-toi, lève la main avant de parler. Bon, t'es d'accord avec moi, Jonathan? Toff, c'est quand même une. T'es une grosse salope. Hein? Un peu quand même. Ah bah complètement. Je sais pas si t'as vu la photo que j'ai mise sur le Facebook aussi d'ailleurs. Hein. J'ai trouvé une pelle, donc on lui a refait déjà sa gueule depuis le début de l'émission et on va continuer jusqu'à la fin là. Hein. T'es d'accord, t'as déjà vu Toff en vrai ou pas? Non. Non, ah bah t'as bien de la chance. Bah va voir sur le Facebook et puis tu me diras s'il faut que je fasse encore un peu de travaux quoi. Donc comme ça. C'est ça. Bah justement, bah voilà, c'est ça. Donc tu nous diras, moi j'ai l'appel, tout ça, on est équipé. Bon, on va faire l'appel à ton pote. Donc alors on va lui faire croire. On va lui faire croire quoi alors? Que C'est la production de Jackie et Michel de film porno. Jackie et Michel. Jackie. Ah, Jackie, d'accord, Jackie. Ok, j'avais compris Jackie. J'avais compris Jacqueline. Bon, Jackie et Michel, donc porno amateur. Voilà. D'accord. Et lui faire croire que, en fait, chez moi, c'est trop petit. Ouais. Et c'est pas le bon décor. Donc, que je débarque chez lui, qu'il habite juste derrière chez moi. Ouais. Que c'est pas loin. Donc, on débarque chez lui. Que chez lui, le décor est parfait. Ouais, mais lui, ça ressemble à quoi son appart? C'est grand, c'est petit, c'est comment? Alors, son appart, c'est. Il y a un petit salon. Ouais. Une belle cuisine, une belle salle de bain, une grande chambre. La chambre parentale. Ah oui, bien. Bah, oui. Voilà. Ah oui, on va souiller la chambre des parents. Ouais. Plutôt moderne, plutôt vieillot, plutôt comment? Entre les deux. Entre les deux. Bon, d'accord, ok. Bon, écoute, on va s'arranger, on verra bien comment ça va se passer. Bah écoute, on l'appelle. Donc tu lui fais croire que nous, on est. Bon, t'as fait la demande là pour faire un casting, t'as été sélectionné. On est chez toi, mais sauf que le décor va pas du tout et que l'appartement va pas du tout. Donc tu lui dis, bah, vas-y, rends-moi service. Ouais. J'ai vraiment besoin qu'on aille chez toi et tout. C'est la chance de ma vie, etc., etc. Quoi. Si c'est un ami, il va accepter. Hein. Il y a toute l'équipe technique et tout. Ah ouais, l'équipe technique est là, évidemment. Et nous avons notre grand producteur également qui vient directement du Brésil, Roberto, qui est avec nous. Bonsoir, Roberto. Les films et que c'est la merde. Oui, bonsoir Roberto, comment allez-vous? Bah, je vais bien. Bon, vous êtes chaud là pour le nouveau film? Oh là là, je suis chaud comme la braise, comme la patate, que c'est. Bah, c'est parfait. Bon, alors écoutez, Roberto, restez calme. On va y aller, Jonathan, comment il s'appelle ton pote? Rémi. Et il habite chez lui ou chez ses parents? Chez ses parents. Bon, bah, très mais bien. Il est pas souvent là, mais ce soir, il risque d'être là. Bon, bah, très bien. Et même s'il est pas là, c'est pas très grave dans l'absolu. Bon, tu lui dis qu'on va débarquer. Bon, allez, on y va, c'est parti. Nous, on est derrière. Hein, donc, t'inquiète pas. Hein, maman, on va prendre la parole. Mais quand on te parle, bah, fais comme si on était l'un à côté de l'autre, évidemment. Oui, oui, c'est bon. Bon, allez, on y va. Bonjour. Allô? Oui, Rémi? Oui. C'est qui? C'est Jo. Jo, ah ouais, Jo, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va. Masqué. Et je fais? Et là, je suis à son pizza, t'es où? Ben là je suis chez moi, t'as vu t'as vu la production Jackie et Michel là. De quoi? T'as vu la production Jackie et Michel? Ouais. Ben je les ai appelés ça fait un petit moment et là ils ont débarqué. Donc ils sont chez moi, il y a tout le monde. Et c'est tout le monde. Ben les producteurs et tout, et il y a tout le monde. Et chez moi c'est comment dire, c'est trop petit ils trouvent. Donc vu que t'habites derrière chez moi. Pourquoi tu me joues comme ça, c'est pas vrai? Bon, est-ce que c'est d'accord, monsieur? Bon, je vais pas passer ici le temps comme attendez, ça. Attendez. On me fait venir autour des pas, moi je perds mon temps. Vite, parce que moi tout le temps qu'on attend là, c'est de l'argent de perdu. Hein. Bah, on a dû prendre le temps là. Je comprends. Attendez. Ah, essayez je vais essayer de convaincre. Hein. Oui, je vois avec lui. Bon, Rémi. Non, mais c'est pas vrai, arrête, y'a Fabio, il est où Fabio? Y'a personne, y'a que moi et les producteurs, t'es con quoi? Regarde la chienne, regarde comment elle est là, elle est ouverte, elle a les pieds lâches comme une autoroute et tu ne fais rien. Bah c'est pour toi. Oui, c'est bon, il va accepter, on y va. Non, tu me parles pas comme ça sur ce temps. Bon, reste calme, Jonathan, s'il te plaît. Attends, viens, on va discuter là. Passez-le-moi, discuter avec le producteur. Allô, monsieur. Allô. Oui, bonsoir monsieur, je m'appelle Michel, je suis l'assistant là, je suis avec Roberto, nous oui, avons je suis sélectionné là, je suis Jonathan. Là. Qu'est-ce que c'est cet appartement des mères? Bon, calmez-vous, je vous en supplie, pour le tournage, pour un casting, le problème c'est qu'on vient d'arriver dans l'appartement, c'est beaucoup trop petit en fait le studio, hein. On n'a pas assez de recul. C'est pas trop petit, c'est donc moche. Le problème c'est que là, on lui a demandé si vous connaissez pas l'endroit où on pouvait tourner pour pas tuer la soirée de ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. On voulait savoir si on pouvait débarquer chez vous pour tourner, ça prendra pas plus d'une heure, hein. Ouais, j'ai une pièce, c'est un local. Attendez, je vous passe le producteur, Roberto, s'il vous plaît. Allô. Allô, comment ça que tu t'appelles? Rémi. Bon, tu me fais pas attendre comme ça, moi ici, tu sais qui je suis? Je suis Roberto, moi j'ai fait les films de l'art. J'ai fait des films que c'est beau, que la fille, elle va se faire dégommer le cul à grands coups de bite. Alors s'il te plaît, tu m'écoutes quand je parle. Vas-y, c'est bon. Moi j'ai fait des films que c'est beau. J'ai fait des films que ça doit avoir de l'art dedans, que les messieurs qui regardent, ils sentent qu'on a travaillé les faits. Tu comprends? Ouais, je comprends. Bon, parfait. Je te repasse l'assistant, tu donnes l'adresse et on y va. Oui, allô? Eh là, mais là, on n'a pas de local, là. Sinon, moi, j'ai pas chez moi, là. Mais on peut faire ça éventuellement, mais pourquoi on peut pas venir chez vous? On en a pour une heure, grand maximum. Une heure et demie, allez, à tout casser. Sinon, j'ai chez un autre ami, là. C'est-à-dire, l'ami? Mais Jonathan, tu connais, c'est chez Fabio. Parce que le problème c'est que Jonathan nous avait parlé de votre maman, apparemment elle aurait pu éventuellement faire une apparition furtive dans le film. Pourquoi, ça chute maintenant ou comment ça se passe? Mais non, mais justement, non, écoutez, soyez un peu sympa, on vous demande une heure et demie, et éventuellement, bah, vous n'avez pas une sœur éventuellement qu'on pourrait utiliser? Ma sœur? Oui. ça fait 15 ans que tu nous répètes que tu veux. Et pour quoi faire, ma sœur? Bah, éventuellement pour peut-être, je sais pas moi, faire quelque chose dans le film également. Peut-être que c'est son rêve, ça peut peut-être lui rendre service et nous aussi. Bon, écoutez, monsieur Jonathan, là, écoutez, je crois qu'on n'y arrivera pas. Hein. Il va falloir payer la note parce que là, on peut rien faire. Hein. Vous étiez engagé, il n'y a rien du tout là. Bon, je comprends pas. Non, mais écoutez, là, il n'y a rien, il veut rien. Vous m'avez parlé de sa mère, il en veut pas. Vous avez parlé de sa sœur, c'est pas possible. Alors, je sais pas quoi faire, moi. Je sais pas quoi faire. Si tu veux, repassez-le-moi. Voilà, tenez. Ouais, Rémi. Ouais. Y a possibilité que ta mère s'habille un peu au lélé? Eh, si je veux pas appeler ma mère maintenant, t'es fou, toi. Rémi, c'est mort, fais pas ton relou, allez. Et c'est toi, fais pas ton relou, ramène ta femme et ta mère, on verra comment tu réagis, connard. Mais n'insulte pas, ça va, c'est rigolo. Tu rêvais de faire ça. Ouais, rêvais de faire ça, ouais. Avec ta mère, ouais, pas avec la mienne. Mais non. Bon, est-ce qu'il est d'accord de faire venir sa mère en mode un peu biatch? En mode comment? Est-ce que c'est possible, en mode biatch? Ouais, en mode biatch. Hein? Monsieur Rémi, c'est Rémi que vous vous appelez? Allô? Vas-y, tu vois, le mec, tu vois, qu'est-ce que tu fais là comme blague là? Allô? Allô? Oui, donc, alors, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut débarquer là, dans l'appartement? Mais tu veux venir où, cono, là? Mais je sais pas, moi, apparemment, on pouvait venir chez vous. Il y avait votre mère et votre sœur. J'arrête de tourner? Oui, bah, mais sur pause, effectivement, oui, mais sur pause. Donc, alors, est-ce que c'est possible? Mais comment elle s'appelle, l'actrice, alors? Bon, écoutez, alors... Rémi? Attendez, je vous repasse votre ami, là. Rémi? Allô? Rémi? Ouais. Ouais, c'est bon, il y a pas moyen de faire chez ta mère? Mais arrête, John, putain, j'ai 3 P. Rémi, allez, c'est bon, pas ton radin. Mais je vais pas niquer ma mère pendant que je fisse ta femme. Mais tout le temps, tu parles de Jacqueline Michel, là, c'est ton rêve, c'est ton avenir. C'est pour ton cadeau, c'est un cadeau pour toi, alors vas-y. Avec ma mère, peut-être que j'ai accepté, mais c'est... Mais c'est un cadeau. Parce que là, on peut débarquer directement avec les animaux, là, ils arrivent, hein. Pour la mère. Vas-y, oh, Rémi. Bon, on va s'en sortir là ou pas? Rémi. Oh, Rémi. Quoi? C'est bon, ramène ta mère ou ta soeur, c'est pour elle, ils veulent juste une fille. Qui régale. Rémi, ça part en couille chez moi, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi... On vient chez toi, avec ta mère et tout, c'est bon. T'as la place, je crois. Non, j'ai pas la place. Ah non, maintenant, ça va pas. Il faut que tu rentres plus profondément la bite au fond de son cul de cette salope. Il faut qu'elle descende dans les amygdales. Rémi. Tu écoutes ce que je t'ai dit? Est-ce que ça va comme ça, là? Là, c'est mieux. Rémi, tu l'écoutes? La pénétration, elle est bien franche, bien au fond. Allez, accélère, maintenant. Roberto, je mets une focale de 16? Même focale des 12. Ok. Hein, faut qu'on voit, faut que ce soit grand. Ok. Faut qu'on la voit en grand, cette bite. Bon, est-ce qu'on peut y aller, alors, Jonathan, là? Est-ce que c'est validé, là, avec la MILF? Rémi? Ouais. C'est bon ou pas, là? On peut venir? Non, c'est mort. Bon, est-ce qu'on peut faire venir la chèvre? La chèvre? Qu'on m'amène la chèvre? Voilà, allez. Il reste ta mère au moins, c'est bon. Bon, alors. Tu vas me la mettre la chèvre comme ça par-dessus. On voit bien la bite qui pend. Hein? Et moi je te l'ai dit, il arrive. Pourquoi il y a un chat dans le cadre? Comment les vire? Bah c'est le bordel chez moi, vas-y. Rémi, il n'y a pas la place pour tourner ça ici, il faut que ça aille, hein. Je vais bien faire le bord, mais regarde là. Là, je vais pas te dire, hein. Regarde, la chèvre, elle est contre le mur, elle a la tête dans la pièce d'en face. Rémi. Quoi? Débarque chez toi dans 5 minutes, là, je sonne chez toi. Alléluia, enfin une bonne décision. On va faire 36 heures. Mais non. Je débarque en bas chez toi là, j'arrive. Ouais, bah, tu m'as tué moi 37%. Bon, on arrive alors, hein. Et merci beaucoup, hein, Rémi. Hein. Bon, de rien. Est-ce que vous pensez que votre mère pouvait se mettre un peu en latex? C'est quoi? Est-ce que éventuellement ta mère peut se mettre un peu en latex? Peut se mettre quoi? Est-ce que en tenue latex, sexe noir cuir? Ouais, mais alors bien du bon latex quand même, hein, parce que sinon après ça irrite. Oui, bien sûr, non mais on vient avec le matériel, hein, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Il y a un gros tube de vagine aussi. D'accord, nous sommes équipés, il n'y a pas de problème. Hein? Est-ce que ça ira également avec votre sœur ou pas? Ouais, ma soeur aussi. Hein, c'est bon. Et je viens avec mon cousin, c'est bon. Non, on cherche vraiment que des filles, là. Que des filles, ouais, c'est bon. Alors c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voulez participer vous-même, éventuellement, encore en tant que guest? Ouais, en tant que quoi? En tant que guest. Guest, ouais, c'est bon. Bon bah c'est parfait alors. Et Jonathan, est-ce qu'il habite loin? Non, juste derrière ma rue, juste derrière. Bon, c'est parfait. Alors on remballe tout ce bordel, on rabille la salope et on y va. Très bien, merci. Merci beaucoup Rémi. De rien. Ok, wow. C'est bon, ah bah, on va le récupérer dans quelques instants, bougez pas là, putain, il a eu du mal à démarrer lui, hein. Il y a des messages qui sont arrivés là, bougez pas, Jonathan, attends, c'est quoi, c'est Gabriel qui dit meilleur de rire, le meilleur canular du siècle avec un petit accent italien. Ah c'est pas italien, c'est brésilien. Ah bah, oui, alors comment confondre pas avec ces salopes d'italiens. Et du calme. Moi j'ai bien du Brésil. Du calme Roberto, reste calme. Il y a le prochain qui dit une chèvre fait son apparition, c'est surréaliste, c'est le bordel, c'est le mot, très bon canular. Et puis Koala qui dit ah énorme le canular, c'est le meilleur, c'est Story 33 qui avait envoyé le message. Putain j'ai mal au bide à force de rire, c'est Lilou qui avait envoyé le message. Et alors Stéphanini qui dit je vais pas niquer ma mère pendant que je fisse ta femme, le tueur. Oui c'est clair. Et puis Thibaut qui dit j'adore le canular, il est énorme. Le gars il a cru jusqu'au bout, là. Vous êtes les meilleurs. Merci en tout cas. Eh bah écoute, on va rappeler dans quelques instants. Alors ce que je propose c'est qu'on se mette le son de Britney Spears. Oui. Version remix. Ah j'adore. Ah, allez, version remix là, c'est parti, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Vas-y, Mimi. Ah, attendez, je calme mes sons là, attention. Tu peux être gratté, gros con. Sale con, sale con, sale con. Parfait, je suis taquet là. Allez, Britney, DJ Mimi. T'es prête? T'es prête, Britney? Hein? Sale con. Tu peux être gratté, gros con. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, no limit. I don't fucking care! Sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, bah j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. J'adore. Oh là là là là, il y a même l'auditeur qui est venu là. Qu'est-ce que t'as pensé de mon grand talent? Comment tu t'appelles? Présente-toi, allume ton micro, tout ce que tu veux là. Fais comme chez toi, comment ça va? Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Fabien. Fabien, ça va bien? Ouais, tranquille. Aucune vanne avec le prénom. Hein. Non, que ce soit clair, aucune vanne. Ça va bien. Alors, est-ce que tu penses que je mérite une place dans Party Fun? Ah, largement. À la place de Quentin Mossiman, ce petit DJ qui sert à rien là, ce petit qui démarre. Hein, ouais, attends, bien, mais j'ai quand même un talent qui est quand même vachement plus impressionnant que le sien. C'est vrai. T'as vu? Et moi j'y vais quoi. Sale con. Voilà, je suis au taquet, moi j'ai pas peur. J'ai pas peur de tout ça moi. Hein? C'était fort. Eh bah oui, exactement. Ouais. Bon alors du coup on va faire la suite maintenant avec notre ami Jonathan. Mais avant cela, ce que je propose c'est que nous appelions encore un ou deux numéros là encore hein, par rapport à ce grand. C'est même pas un sondage hein, mais en gros à qui vous pensez quand vous masturbez hein. Bien sûr. Il y a plein de messages qui sont arrivés. DJ Mika au platine de partie insulte sur Fun Radio. C'est Story du 33 qui dit il a pas donné la réponse de la colle. Ah oui merde, c'était le soleil. Oui, t'as raison, merci du message, tiens, c'était le soleil. Il y a Thibaut qui dit le meilleur DJ c'est Mickaël, bien sûr, tu gères trop Mickaël. Il y a Koala qui dit sale con, magnifique remix à faire tourner dans les boîtes. Il y a Canvenante qui dit aussi je kiffe, je veux la musique du remix. Encore un remix de Britney Spears, encore mieux que l'original. Kawet qui dit déjà que Work Beat j'aime bien, mais la version remixée c'est le summum de l'orgasme auditif. Et Tony qui dit Mickaël toujours en top tweet, génial, on mérite un excellent remix. Bah effectivement, merci à vous en tout cas. Je crois qu'on était premier ou on est premier, enfin nous quand premier sur le remix, ouais. Effectivement. Et Frédéric qui dit bonsoir de la Réunion, il fait beau et chaud, bonne soirée à vous et ici il y a de la place pour votre film. Bah ouais, ça serait pas mal parce que pour le coup ici il fait froid et dégueulasse hein, donc ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il a fait 10 degrés, c'était une horreur, en tout cas à Paris. Après je sais pas ailleurs, mais c'était juste une horreur, ça aurait été horrible. Bon, on y va Taf? Bah on y va quand tu veux. Eh ben écoute, quand je veux j'ai envie de dire qu'on l'appelle maintenant, alors c'est parti? Vas-y. Allez c'est parti, on y va, c'est parti, 3, 4. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui? Oui, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Eh ben, je pense que y a des cons comme toi qui feraient mieux de fermer leur gueule et puis raccrocher son téléphone. D'accord, mais ça répond pas à ma question ça madame. Ah oui mais il a raccroché, attends on va rappeler directement là. Attends, on rappelle directement là. Bougez pas, restez calme. Alors attention. Et je vous calme Criouella aussi tout à l'heure. Ou encore le nouveau Kesha avec Pitbull. Voilà. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, j'étais en communication avec votre femme et je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous masturbez. Et mon poids dans la gueule, tu le veux? Alors écoute, cher voisin, je vais te dire une chose. Emmerde ton monde et tu verras que tu seras perdant. Vieux con. Oh, le vieux con était placé comme il se doit là. C'était magnifique. Bon, on va laisser encore le mec Jonathan un peu galérer là avec avec son ami pour le film de cul. Ouais. Alors vite fait, on va récupérer Emeric parce qu'il attend depuis 3 heures là, le pauvre Emeric. Oui, c'est à toi Emeric. Emeric, t'es là? Ouais, Mika, je suis là. Bon, parfait. Alors Emeric, toi t'as 18 ans, tu voulais parler de la masturbation. Tu penses à qui toi quand tu te masturbes? Ben moi je pense à la mère d'un pote. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit en plus, c'est vrai. Putain, je suis con, ouais. on devait appeler la mère là, non? Bah ouais mais en fait j'ai plus son numéro dans mon répertoire. Oh merde. Comme par hasard. Non mais je te promets je suis deg. Comme par hasard. Bon attends, on va prendre aussi Olivier qui est avec nous du Finistère de Brest. Salut Olivier. Ouais salut les gars. Ouais. Salut. Ça va la famille? Bah la famille va bien et toi? Moi je t'avais téléphoné là pour Formule 1 là, les trucs que je voyais. Pourquoi? Ah oui, dans le Formule 1, dans l'hôtel Reformule 1. Oui, tu bosses en Formule 1 toi, c'est ça? Ouais, et là j'avais un canular à faire, mais bien, et toi, là, l'idée a été prise. J'étais téléphoné à Issa, la fille qui est de nuit là maintenant. Ouais. Et lui dire que demain on débarque avec Dorcel, avec tous les caméras et tout, pour faire un film de cul. Donnez-moi le numéro de la mère à Simon. Oh, hey, attends, Émeric, une seconde, là, il fait ses courses là. Il fait ses courses. Non, mais. Eh, après. c'est pas grave, mais tu voulais faire un canular Olivier, mais c'est pas grave, hein. C'est pas parce qu'on l'a fait là maintenant et qu'en plus il est même pas fini, on va continuer là, ouais, avec Jonathan, ça n'empêche pas qu'on puisse le refaire la semaine prochaine. Hein. Voilà, exactement. Ah ben et moi voilà. Je voulais te dire pour la branlette, la masturbation. Ouais, tu penses à quoi? Moi je fais des trucs, tu vois, avec mon portable, je photographie des meufs dans les cars, les trams, tout ça, des canons, quoi. Ouais. Pas des bruits. Et après, bah voilà, j'actionne. Oh le porc. Et après, il s'astique dessus, il en met plein son téléphone. Non mais c'est, voilà. C'est vrai? Ah bah au moins je me branche sur quelque chose. Oh, il est dégueulasse. Bah, sur ton téléphone? Ouais, bah déjà sur le téléphone, effectivement, ouais. Ouais. Et quand tu prêtes ton téléphone à tes potes, là, tu leur dis pas évidemment tout ça? Bah je leur dis, je connais les meufs. D'accord, grande classe, ouais. Grande classe, Olivier. Et en Bretagne, on est bien, ça. Mais oui, apparemment, et en plus c'est la ville préférée de Toff là, Brest. Ah, oh, j'adore Brest, c'est voilà, tellement c'est beau Brest. Ah ouais, mais Brest s'embellit là maintenant, parce qu'avant c'était triste, c'était gris quoi. C'était maintenant c'est plus beau. Mais maintenant ça s'embellit. Bon, et ouais. Du coup on va venir vous voir, on va aller faire un petit tour, de France, de Belgique pour voir quelles sont les plus belles villes. Donc si vous voulez qu'on vienne dans votre ville, dites-nous sur le Facebook et sur SMS, facebook.com/michaelofficiel. Je vais vous mettre un petit post pour voir dans quelle ville vous voudriez qu'on vienne. Alors essayez de nous vendre la ville la plus sympa, celle où on va le plus se marrer. Voilà, on fera l'émission. Non. On fera l'émission en direct de chez vous, ouais. Enfin de chez vous, de la ville, s'il y a un studio fun dans le coin, on fera l'émission là-bas. Sinon on fera l'émission sur dehors, j'en sais rien, on verra bien, on s'en fout. Donc moi, je passerai bien vous voir là-bas dans votre studio. Où ça? Bah à Paris, vous êtes à Paris. Ah bah oui. Moi je passerai bien vous voir. Moi je prends le train. Quand tu veux. Par contre tu prends le téléphone avec les meufs hein, dedans. Ah bah ouais, je vais te montrer tous les photos. Ah bah j'ai parfait. J'ai même des photos d'une fille de Corse, toi, elle est d'origine un peu indonésienne. Non mais t'as raison. Et elle j'ai fricoté avec. Et le matin, quand elle se levait, quand je faisais ma saison en Corse, elle était seins nus, culotte, on était 5 mecs, et voilà. Et Lily, et elle était contente. Eh bah écoute, viens pas avec ton téléphone, viens avec les meufs, plutôt. c'est mieux, ouais. Bon bah écoute, il faudrait louer un car, hein, franchement. Ouais, mais t'inquiète pas, si ça vaut la peine, on s'arrangera. Bon Olivier, ce que je vais te faire, c'est que je vais te repasser Sandro, tu vas t'arranger avec elle pour qu'on puisse faire le canular la semaine prochaine ou dans la semaine ou même des dimanches, on verra, d'accord? Ouais, comme vous voulez, ouais. Bon bah ouais, parfait. Eh bah très bien Olivier, bah bouge pas, mais merci beaucoup en tout cas. Bah c'est moi, et puis je voudrais faire une dédicace à votre équipe, parce qu'elle est super et vous êtes une émission d'intérêt public, moi je le dis, moi. Eh bah c'est gentil Olivier, ouais. Merci beaucoup. Merci. Bah ouais, je le pense. Ouais. Eh bah, c'est très bien. Eh ben c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, allez, salut les gars. Un petit message de bienvenue. Hein? Un petit message de bienvenue. Mais vous êtes les bienvenus dans mon téléphone. je dis moi je te mets un petit message de bienvenue des amis de Toff. Ouais, je veux bien, ouais. C'est gros con. Attends, merde. Ah oui, je peux être gratté, gros con. Voilà. Sale con, tête de con. Ah, voilà. Exactement. Bon, allez, salut Olivier, à bientôt, merci beaucoup. Ciao à toi. Retour avec Kémeric dans un instant. Il y a également Erwan qu'on va récupérer. Il a perdu sa meuf a priori. Et puis on va récupérer Jonathan. Mais on va te laisser dans ta merde, Jonathan. Là, t'as tout gagné là. Ouais, bah merci beaucoup. De rien, c'est toujours avec plaisir. Eh putain, il est difficile à croire persuadé, hein, ton pote. Hein. Oh là là. En fait, difficile, le problème, c'est... mais. Ouais, mais il était avec. C'est le problème, c'est qu'il était avec toutes ses tous ses potes. Ouais. Donc il pouvait pas faire style. J'y crois à 100%. Non, mais parce en... que tu vois. En plus, si t'avais les potes derrière qui étaient en train c'est de lui dire. Tu sais, ouais, c'est ton rêve. Vas-y, nique pas ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, il est con, hein, putain, c'est une opportunité en or. Bah oui. C'est tous les jours, il nous en parle. Mais ouais, mais ouais. Attends, on va demander à Sandro, ça va être la secrétaire, mon assistante, qui va rappeler pour avoir l'adresse exacte. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'adresse exacte. Attends, je suis l'assistante de qui hein L'assistante de Michel. C'est, l'assistante de Michel. Moi, je suis l'assistante de Roberto, donc t'es l'assistante de l'assistant. L'assistante de l'assistant de voilà. Michel. Exact. Non, non, non, non. L'assistante de l'assistant de Roberto. Donc t'es mon assistante, mais moi, je suis son assistant à lui. Ouais, je suis une assistante quoi. Non, bah, t'es l'assistante de l'assistant. Je suis l'assistante de l'assistant. Voilà. De Michel. Non, mais non, de Roberto. Ah, de Roberto, pardon. Moi, je suis l'assistant de Roberto. Ah, c'est toi l'assistant de Roberto, voilà. Je sais pas. Toi, t'es mon assistante. D'accord, okay, donc, t'es l'assistante de l'assistant de Roberto. D'accord. De quelle production c'est? C'est Michel et. C'est Jackie et Michel. Jacqueline. Oui, c'est Jackie et Michel. Michel. Les productions du Fion. Les productions du Fion. Voilà. Bon, on le rappelle, Jonathan. Reste dans le coin. Hein, c'est l'assistante qui appelle, là, d'accord? Je suis là, je suis là. Bon, parfait. Bah, bouge pas alors. C'est parti, on y va, on l'appelle. Bonjour. Veuillez ne pas quitter. Allô? Oui, Rémi? Attends, attendez. Oui? Allô? Allô? Oui. Oui, Rémi? Oui. Oui, bonjour, je suis l'assistante de l'assistant de Roberto. Ouais. D'accord, vous êtes prêt à faire quoi pour le film? Pas du tout. Vous êtes acteur dans le film, c'est ça, on m'a dit? Ouais, oui. Oui, parce que j'ai besoin de remplir la fiche. Vous êtes prêt à faire quoi? Tout. C'est-à-dire? Il faut que je note, en fait. Ce sera avec une fille ou avec un homme? Avec une fille. Avec une fille. Vous êtes pour les animaux ou pas? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire avec une fille? Anal, vaginal. Anal? Ouais. Non, oui. Ensuite, vaginal? Ouais, voilà. Une préférence? Pardon? Une préférence? Non, non, non. Ça me rappelle. L'amour à plusieurs? Plusieurs filles, oui. Plusieurs filles, pas d'autres hommes? Non. D'accord, votre style de film? Brune. Oui. Et voilà. Mensuration? Mensuration, je sais pas, moi... Les vôtres d'abord? Ah, moi, un 73. Elle mesure 1,73? Ah, moi, non... Non, votre taille, je m'en fous, hein. Je sais pas, j'ai jamais calculé. Alors il faut prendre une règle, il faut me le dire de suite. Anti-emploi, madame, anti-emploi. Allez-y, prenez une règle, j'attends. 17. C'est bon? 17. Allô? Allô, 17. 17? Mais j'entends rigoler, c'est très sérieux, hein. Oui, 17. J'ai besoin de faire une fiche. T'es une grosse salope. C'est 10. Allô? Oui, 17. C'est 17 au repos? Non, pas au repos. Oui, parce que ça me paraît bizarre. Hein. Non, pas au repos. D'accord, vous pouvez tenir combien de temps? Excusez-moi, il y a un film qui tourne derrière. Ça dépend. C'est-à-dire? Ah, ça peut aller entre, je sais pas moi, 25 minutes et 40 minutes. 25 minutes et 40 minutes? Vous êtes balèze, hein? Sans médicaments, sans rien? Non, sans rien. C'est très sérieux, hein? Ouais, c'est sérieux, ouais. D'accord. Assistant de Roberto? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ajouter au questionnaire? Non, a priori ce sera tout. Si j'ai pas demandé au niveau des filles, vous voulez des filles plutôt comment? Mais comment ça? Bah, c'est-à-dire petite attendez, poitrine, grosse poitrine, arrière-train avancé. Ce sera avec la sœur, hein. Non, poitrine normale. Ah, on fait un film assez dégueulasse, donc ce sera plutôt avec sa sœur. Ah d'accord, alors on parle de votre sœur. Non, elle tourne pas ma sœur. Je vais prendre son prénom. Ah, on m'a dit que c'était validé pour la sœur. Ah ben, pas pour moi. Ah, bon. Excusez-moi, non, effectivement, c'est pas sa sœur. Excusez-moi, ce sera sa mère. C'est qui? Ah, c'est votre mère. C'est votre mère apparemment. Ouais. Comment s'appelle-t-elle? Christine. Christine, d'accord. Vous connaissez ses mensurations? Non, du tout, non. Non, il faudrait lui demander, elle est là? Non, elle est, je suis pas avec. Vous êtes pas avec elle. Est-ce qu'on peut l'appeler, hein? Non, elle a pas de téléphone. D'accord. Elle mais sait en gros, est-ce qu'elle est plutôt grande ou petite, même si c'est pas dans le détail, hein? Oui, dites-nous à peu près le poids, la taille. Bah, elle fait 1m60. 1m60, d'accord. Et 55 kilos. Ouais, mais l'important, c'est de savoir si le sein, il tombe. Est-ce que le sein tombe? Au niveau de la poitrine, comment ça se porte? C'est plutôt des gants ou ils sont assez remontés? Ils sont très très gros. Ils sont gros? Très très gros comment? Dans le corps. Plutôt le corps. Au niveau du nombril ou plutôt au niveau des épaules? Les épaules. Les épaules, c'est dommage. Les épaules. Vous avez besoin d'autres informations? Non, ça va, c'est bon, allez, on y va, on tourne, on perd du temps là. Ça ira, ça ira. Bon Rémi. Ouais. Bon Rémi, ça va, ça va, ça va. T'en veux pas quand même à ton pote? Non. T'es sûr? Ouais. Tu veux ta chance dans le porno? Pourquoi pas? Bah je sais pas, je demande, hein. T'aimerais vraiment la voir? Bah ouais. Bon parfait, écoute, on va essayer de t'aider, on va essayer de t'aider parce que t'es sur Fun Radio là. Eh oui, bon, et Rémi. Ouais. Bon par contre faudra dire que t'as plus de 17 cm hein, parce que c'est un peu léger des 17 cm quand même. Hein. Hein bah oui, bah oui, bah oui. Jonathan il nous avait expliqué que tu rêvais de faire des films de cul. Bah ouais, pourquoi pas. Bon bah voilà, bah pourquoi pas. Bah écoute très bien, on va essayer de te filer un coup de main si quelqu'un nous écoute. Bah si quelqu'un nous écoute et qui est intéressé éventuellement à faire un petit film. T'as déjà fait des films ne fût-ce qu'amateur avec ta copine ou quoi, non? Non, ouais, j'ai déjà fait avec ma copine et tout. Ah, bah écoute, alors il faudrait que tu nous envoies la vidéo pour qu'on puisse juger. Qu'on se rende compte, quoi, du potentiel ouais. Que t'as. Voilà, pour voir le potentiel. Ouais. Et... ça passe en direct, là? Bah oui, évidemment, Rémi, je crois qu'on est où, là? Ah putain. Affiché par tout le monde. Ouais. Bon ben voilà, si vous êtes une meuf, vous avez envie de faire du porno avec Rémi, il est disponible. 17 cm apparemment en vrai. Bon ben Jonathan et Rémi, ben merci à vous d'être passés en tout cas. Rémi, on va te filer ton écran plat que t'as gagné sur le dos de Rémi, parce que lui il repart avec rien du tout. Hein. Ah mais il a niqué sa carrière, attends. Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a Rémi? J'ai gagné quoi? Toi rien, mais Jonathan il a gagné un écran plat. Tu le veux toi l'écran plat? Bah ouais. Ouais? Et donc Jonathan il l'a pas alors? Bah non. Il va faire foutre. Il a fait une blague, c'est moi la victime. C'est vrai. Bah non. Bah tu resteras victime jusqu'à la fin. Bon, arrangez-vous avec Sandro, hein. On va continuer à faire la guerre pour voir lequel d'entre vous, lequel des deux peut choper l'écran plat là. Bon allez, bonne soirée tous les deux, hein. Et je vous dis juste une petite dédicace. Bah vas-y. T'es une grosse salope. À tout le Gazélec de Nice. Et même sur les Ajaccio, bah c'est pas grave, mais Gazélec de Nice et la Brigade Sud. Très bien, eh ben, le message est passé. Bah, salut à vous deux, à bientôt. Merci, ciao. Merci les gars, ciao. Il y a plein de messages qui sont arrivés aussi. Il y a Léa qui dit le canular trop fort. Il y a le prince qui dit je vous aime, vous me faites passer de très belles soirées, bisous. Merci beaucoup. Et Megumi qui dit le mec qui dit anal derrière. Mais en fait les potes j'ai compris après, mais les potes c'était chaud en fait, ils voulaient absolument qu'ils le fassent. Oui, hein. Ça qui est très fort. Benjamin qui dit ses potes ils sont morts de rire derrière, c'est excellent. Benji qui dit péter de rire, ma vieille machine à écrire. Benji qui dit je vous accueille chez moi la team au Havre. Pourquoi pas au Havre. Il y a Miss Stéphanie aussi qui dit je pourrais avoir une dédicace de bienvenue. Bien sûr la Miss Stéphanie. En plus, je ne me souviens pas déjà avoir vu ton pseudo traîner la Miss Stéphanie sur le Twitter. Alors, je ne te connais pas. Ne prends pas ça pour toi. Non, parce que toutes les insultes, elles viennent pas de moi, évidemment. Va te faire enculer, salope. Voilà, mais Stéphanie, avec plaisir, j'adore, je te fais des gros bisous. Tigresse qui dit, je pense... Attends, moi, je pense à Chris Brown et Mpokora quand je fais l'amour avec mon mec. Ah bah, ça lui fait plaisir, tiens. Et Mathieu qui dit, Dinard, si vous y venez, je vous paierai l'apéro. Ah, si tu nous payes l'apéro, pourquoi pas. Michael qui dit aussi, trop fort. Et Stéphanie qui dit, oh, rabis-toi, la salope, et on y va. Roberto est mon idole. Et Benjamin qui dit, je suis mort de rire, rien de mieux pour muscler les abdos. Effectivement, bah, je rigole souvent, et malgré tout, au terme d'abdos... ouais. On est devenu une salle de gym. Je suis déjà au taquet. Hein. Ouais. En termes d'ado, je peux pas faire plus quoi. Ça, Sandro, ça, ça, ça te sert ou pas? Les deux rigoler là, de pour, rigoler, les abdos, pour les abdos. Pour faire fondre. Parce qu'elle a des abdos, hein. Ouais. J'en ai, ouais. J'en pour ai. Faire fondre toute cette, tout ce gras au-dessus de l'abdo. Bah, ouais. Je sais peut-être, oui, parce que je rigole beaucoup que j'en ai, je sais pas. Ah, tu c'est vois vrai que dès que, j'en, dès que je m'y mets, ils se dessinent très vite. Ah, ils se dessinent, voilà, ouais, c'est ouais, ça. C'est non, mais quand tu les sens, ouais. J'ai touché, moi, des fois. Non, c'est une fois qu'on l'a touché. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Polo a déjà touché Sandro. J'avais plein de tares, fallait bien que j'ai un avantage quand même. Je comprends, évidemment. Minimum. Bon, allez, retour avec Erwan dans quelques instants. Et puis avec bah, vous, évidemment. Hein, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Prenez le contrôle de Fun. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et puis on se fait péter le son de Crewella maintenant sur Fun Radio. Elles seront d'ailleurs au Starfloor. C'est Live for the Night. Pensez avoir tout entendu, vous vous trompez. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et elle sera, évidemment, enfin, elles seront avec nous, Crewella, Live for the Night, ce sera au Starfloor, ce sera le 23 novembre à Paris-Bercy, et on aura évidemment, bien entendu, des places à vous ouais. offrir, évidemment. Eh oui. Bon, est-ce qu'on sera là ou pas, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore été invité, mais bon, j'espère que oui. J'espère que oui. Quelqu'un veut un thé? Non. Non? Vas-y, pourquoi? Ouais, parce que je l'ai mis sur le Facebook, je suis fan de la marque. Allez voir sur le Facebook, je viens de vous la mettre maintenant, la nouvelle marque. Enfin, nouvelle marque, j'en sais rien, mais en tout cas, je viens de la découvrir. Mais c'est pas une vraie marque. Facebook.com/Mickaël officiel. La marque, c'est Urinal. Vous allez mais voir, la boîte, elle est belle et tout. J'en sais rien, mais moi, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. Ça a été donc, hein? Ça a été vraiment épicé Je sais pas, j'en sais rien. Bon, ben, bah, allez voir. Et puis, vous me dites, hein, si vous voulez boire un petit thé, hein, n'hésitez pas, Facebook.com/Mickaël officiel. Petit thé comme ça, ma foi, très sympathique. Mais tu sais, comme c'est écrit en ouais. en je sais pas quoi, je me dis que peut-être que là-bas ça veut pas dire pareil, urinal. Ah bah non. Enfin, certainement d'ailleurs même. Est-ce que tu crois qu'il y a un peu de pisse dedans? Écoute, je sais pas s'il y a un petit peu de pisse, mais bon, à voir. Erwan, tu veux une petite tasse de thé? Ah non, non, ça ira, non. Oh, t'es sûr, c'est de l'urinal, hein. Elle est très très bonne, très ouais, très bah, bon thé. Non, merde, je t'en Et Dylan est avec nous là, de Sommières dans le Gard. Salut, salut Dylan. Salut l'équipe, une petite tasse de thé, une petite tasse de thé. Non, ça va aller. Oh merde. Supplément pisse. Bah oui, attends, Fabien qui est avec nous dans le studio là. Fabien, une petite tasse de thé éventuellement là. Ah non, merci. Oh merde. Sandro, une tasse de thé. Personne veut monter. Mais bien moi, sûr. Bien, un petit thé, un petit thé urinal. Mais bien sûr. Ah bah parfait, très bien. Moi, quelqu'un qui a trouvé, tiens, bah je voilà. Je fais un là, je vais en prendre un en bas dans la machine, j'ai mes trois gouttes de pisse. Parfait. Bah oui, comme ça on les fait maison, ouais. Allez, il y a Kawet qui dit non merci, oui, j'aime pas le thé. De Story 33 qui dit urinal, ça donne pas envie. Non, mais bon, après il faut pas s'arrêter à ce genre de détails. Et Aou, dans c'est Gabriel qui dit message de bienvenue pour moi s'il te plaît, vous êtes les meilleurs, changez pas. Bien sûr, un petit message de bienvenue avec grand plaisir. Alors, oh ben j'en ai un petit là, tiens, il est bien. Va te faire foutre. Voilà, il était bien aussi, ou alors celui-là aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Voilà, il était sympathique, il était sympathique également. Hein. Bon, bah allez-y, hein, si vous voulez une petite tasse de thé, bah, venez nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, cette magnifique marque, hein, Urinal. Bah n'hésitez pas, hein, voilà, vous me demandez, je vous sers, il n'y a pas de souci, moi je fais le service ce soir. Y a quoi aussi, le prince indien qui dit la marque Urinal, ça n'inspire pas confiance. Si. Alors, Koala qui dit un bon film de Toff avec la chèvre et chat autour d'un petit thé, thé urinal. Sans hésitation, je dis oui. Ah, enfin quelqu'un qui a des corones. Ouais. Qui a du goût. Exactement. Bon, Erwan, tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Alors, bah, je m'appelle parce qu'en fait, il y a trois jours, bah, depuis trois jours, je suis plus avec ma copine. D'accord, mais félicitations. Bravo. Non, merci, franchement, merci. Bon, et c'était voulu ou c'est Bah non, en fait, non, c'est parce qu'on va dire qu'il y a sur un site internet, sur ask.fm, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Bah on va dire, j'ai une assez bonne notoriété, enfin, je suis assez connu, quoi. D'accord, t'es une star, on parlait d'une star, là. Non, mais quand même pas non plus, tu peux abuser. Ah bon. je pensais. Tes lunettes de soleil. Ouais, enlève tes lunettes, ouais. Bon, du coup, maintenant mon ex, qui n'est plus ma copine, bien sûr, bah j'aurais... Elle avait Ask aussi et je me suis malheureusement affiché. Et vu que bah, dans la notoriété, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui nous aiment pas, bah tous ceux qui m'aimaient pas ont été foutre la merde dans le couple et voilà. Ah oui, mais ça t'as fait de la merde. Bah oui, mais c'était pas de ma faute non plus. Bon, qu'est-ce que tu foutais sur le site aussi? Comment? Qu'est-ce que tu foutais sur le site? Bah c'est le site où ça fait 6 mois que j'y suis, c'est un site, faut que vous alliez voir, ask.fm, c'est le site de questions-réponses. Oui, on connaît très bien, on connaît très bien. Mais bon, ouais, du coup, c'est quoi l'histoire exacte c'est quoi le problème de base? Bah le problème c'est que ma copine, bah au lieu de se fier à moi, elle a écouté les gens qui ont été dire de la merde sur moi. Non, d'accord, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'ils ont été dire? Qu'est-ce que t'avais été dire? Qu'est-ce que t'as dit? Dis-nous tout. Allez! C'est vrai, franchement, clairement, je sais pas du tout, mais ils ont été bah, dire des mythos sur moi ou des trucs comme quoi je passais plus de temps sur mon ordi que. Non mais elle peut s'en rendre compte elle-même. Bah oui, mais non, et en plus, il y en a qui disaient, ouais, il t'aime pas, il fait ça juste pour le buzz, ou un truc comme ça. Pff. Ah ouais. C'est pas grave, c'est pas dramatique non plus, hein, si. Bah, pour moi, si, parce que c'est la première fois que vraiment je suis tombé amoureux, on va dire. Parce que normalement, je suis toujours sorti avec des filles, mais c'était vraiment pour m'amuser, quoi. Mais là, c'était vraiment sérieux, c'était une fille simple par rapport à ce que j'ai eu d'habitude, et je me suis vite attaché à elle. Et, bah, une fille simple, pas très gentil de dire ça. Mais non, mais pas simple, mais dans le genre, elle passe pas sa vie sur Internet. Ah, d'accord, ok, ouais. Ok, j'ai compris. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on essaie de l'appeler? Tu veux faire quoi? Parce qu'au final, il y a Lilou qui dit ah, ce que c'est de la merde. Bon, je sais pas. Bon, moi, j'ai jamais été vraiment dessus. Ouais, bah ouais, je voudrais bien qu'on l'appelle, ouais. Bon, bah écoute, très bien. Et tu veux dire quoi? Tu veux que tu lui parles? Je vais lui faire une petite déclaration, ouais. Oh! J'ai préparé un truc, franchement, je sors les couilles, attends. Calme-toi, chevalier. Prends ce petit verre de thé urinal avec deux gouttes de pissenlit. Non, franchement, ça ira. Bon, mais c'est dommage, ça t'aurait donné des idées. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu vas nous faire une catastrophe, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais pas faire de catastrophe, non, mais j'ai tout prévu. Bon, explique-nous, qu'est-ce que t'as prévu? Là, j'ai prévu qu'en fait, ça fait genre... Bah, vu que ça fait 3 jours qu'elle me parle plus, ouais. Donc, j'ai envie de tout lui dire ce que j'ai sur le cœur et j'ai vraiment tout préparé, oh, mais à l'avance. Mignon. Et non, mais franchement, j'assume dis-nous. Franchement de faire peut-être le canard. Attends, calme-toi, qu'est-ce que t'as prévu? Daffy Duck, dis-nous. Bah j'ai prévu de lui dire qu'il fallait pas qu'elle écoute les gens mais qu'elle m'écoute moi, bah que j'aimais vraiment malgré mais non, que mais non, mais non, mais non, attends, déjà je te mets la musique. Merde, vas-y. Putain, c'est pas celui-là. Ah, elle s'appelle Marie? Non, ça s'appelle Gladys. Merde, y a pas Gladys, une chanson avec Gladys. On peut le faire nous derrière. Oh Gladys, si tu savais tous ces cons et toute la pisse qu'ils t'ont lâché dans ta c'est vraiment des gros connards. Non. Gladys, de passer moins de temps sur internet et sur ask.fm. Ouais, tu peux essayer ça. De quoi? Je me fais afficher quand même là. Ah mec, ça va être pire après hein. Mais non. Ah si. Ah si. Bon, donc tu veux l'appeler, tu veux lui dire juste ça. Tu t'es conscient que c'est nul. Ouais. Oui, mais non, mais au moins je pense que je sais ce que j'ai vraiment à faire quoi, c'est que j'ai tout préparé à l'avance et je sais à peu près comment aller. Mais par contre, c'est possible que je vous file un autre numéro parce qu'au standard on m'avait dit de donner un numéro mais ouais, donc, pas un autre, en fait. Bah attends, on va te donner un autre. Mais est-ce que Gladys c'est une grosse salope ou pas? Non, du tout non. Est-ce que lui des blagues? Ouais, ouais. Est-ce que toi t'es un sale con? Non plus. Bah, je pense pas. Bon, ah oui, tu ne penses pas, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, attends, je te repasse Sandro au standard, on va prendre ton numéro, prends le numéro de Gladys. En attendant, on fait encore un petit appel, Tov, allez, on y va. Allez, je rappelle qu'on avait posé cette question, à quoi vous pensez quand vous vous masturbez? Plutôt à une star ou plutôt à un inconnu? Enfin, quand je dis inconnu, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais pas une star, quoi. Bon, d'accord. Dites-nous, n'hésitez pas, hashtag Mickaël, continuez sur le Twitter, et puis bien sûr aussi par SMS, vous envoyez Mickaël au 64-900 ou Mickaël au 30-44. Ah bon, c'est prêt, Tov? C'est bon? Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti, on y va, on appelle de suite, là. Allez. Ça décroche plus là, 1h30 du mat en même temps. Il est tard. Bah je sais. Ah. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui? Oui, voilà, en fait, tout s'appelle parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. C'est malin. Non monsieur, c'est une question. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Non mais, débile. Pourquoi débile, madame? Va te faire soigner, connard. Mais enfin, madame. Trop de sympathie. Ah oui, tu l'as sympathie, on va le rappeler. Enfin, on va la rappeler. Allez, on rappelle. Qu'avez-vous vu quand vous êtes arrivé? Oui, excusez-moi, mais ça ne répond pas à ma question, tout ça. Mais tu vas te faire foutre et puis c'est tout, que tu me casses les couilles là. Bah moi je voudrais juste savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Bah pas ta gueule les connards. Non, je me doute. Et à qui? Bon, heureusement ils nous entendent pas, mais Eh, par ta gueule, les connards. Qu'est-ce que tu veux, je pêche de trop du cul, bah. Bon, il y a Lilou qui dit faut être con pour écouter les gens du net. Bah, je suis assez d'accord, hein, Erwan. Hein. C'est vrai qu'elle est pas très fut-fut d'écouter les gens qui sont sur internet. Ouais, bah ouais, mais je l'aime quand même, quoi, on va dire. Non, mais d'accord, j'ai pas dit que tu l'aies pas aimé pour ça. Il y a Alex qui dit Ask FM, c'est vraiment de la merde, sérieux, ça fout la merde partout. Kawet qui dit si vous. Attends, c'est quoi? Si vous vous êtes quitté à cause d'inconnus, c'est que c'était voué à l'échec dès le départ. Yaku aussi, le précédent qui dit j'adore le thé, je goûterais peut-être urinal. Ah, bah oui, n'hésitez pas. Hein. C'est la nouveauté, je vous l'ai mis sur le Facebook de l'émission. Allez-y, si vous voulez une petite tasse de thé là ce soir, vous me demandez. facebook.com/mikaelofficiel. Bon, Erwan, elle s'appelle Gladys, on va donc l'appeler maintenant. Et comme tu m'as dit, ouais, ce n'est pas une... C'est une grosse salope. C'est non, pas ça. Non, hein. Non, dites-le, non. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler. Donc, t'as prévu... j'ai voulu t'aider, tu as refusé mon aide. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, bah, quand tu vas l'appeler, elle va te dire... Va te faire enculer, maintenant. Voilà. Ouais, bah non, mais de toute façon, dans tous les cas, je pense pas que ça va le refaire, mais je souhaitais quand même lui dire quelque chose, quand même. D'accord, ok. Et peut-être même qu'elle va te dire... Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Non. Voilà. Ah oui, mais peut-être, ah, tu peux oui. pas savoir. Tu peux pas savoir. Et si vraiment elle est vénère, elle va dire ça. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Mais bon, là, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment si tu l'énerves beaucoup, tu vois. Voilà, d'accord. Bon, on y va. T'es chaud? T'es prêt, Erwan? Ouais, déterre, ouais. Espèce de petit pili de merde, va. Oui, oui, il est pas content, le Corse. Bon, on y va, c'est parti. On appelle Gladys, maintenant, Erwan. Allez, bonne chance, quand même. Okay. Je te prépare, merci. Je te prépare toujours une petite musique. Allez, c'est parti. Allez. Allô, Gladys? Ah, elle est en plein débat sexuel. Je te réveille? Non, pas du tout. Là. J'étais non, en train de faire la teuf. Là. Donc là, ils nous entendent pas. Hein. Et bah, comme je t'ai dit tout à l'heure sur mon SMS que je faisais pas mal de choses en grand, bah là, je suis sur fan radio devant peut-être des milliers d'auditeurs. Et je voulais te dire que bah, on va le laisser en galère, m'excuse d'avoir fait le con, bah, de mettre un fichier. Je voulais te dire que de toute façon c'est pas pour te récupérer, mais je voulais juste que tu saches que je t'aime vraiment très fort et voilà quoi. Toi j'attends pas que tu reviennes, je sais que c'est mort, je sais que je dois me faire à l'idée que c'est vraiment foutu, mais négatif. Je tenais à te le dire quand même. Positif. Et aussi je tenais à te dire, même si on se parle plus, toi qui aimes bien Justin Bieber pour la sortie du film qu'est-ce à Paris, bah, j'ai tout prévu d'avance et même si tu veux pas y aller avec moi, bah je te paierai tout pour y aller. Oh so sweet. D'accord. D'accord. Bon bah, merci. Voilà. Et tu me fais un petit chèque aussi, un petit virement. J'ai même l'autre qui est en train de dormir. Là, je vais me rendormir. Ah, on entend plus rien là. Hein, je vais me rendormir. Je vais me rendormir. Ah, là, retourne dormir alors, bonne nuit. Hein. Oh là là. Vas-y, je t'aime. Oh, tu veux pas la récupérer, mais je t'aime. Oh, mais, ouais, quel... mais elle, par contre, pas. Oh, Erwan, t'es sérieux là? T'es vraiment un bouffon. Je veux pas la récupérer, tu lui payes le voyage à Paris. Mais je t'aime, etc. Justin Bieber. Et il manquait plus que ça, tiens. Bah, elle aime bien Justin Bieber, c'est pas moi qui choisis, ouais. Ah, il manquait plus que mettre une petite musique comme ça, tiens. C'est Zach. Putain, si j'avais su, je l'aurais mise, hein. Blue, mais bah non, mais voilà. Blue. T'aurais été bien là, non? Non, Wicked Games. Ah, c'est pas Blue Hotel? Non, bah non, mais. Je sais pas, des mecs, je sais pas si votre copine ou votre ex, elle aime bien faire un truc, bah vous lui faites plaisir quoi, non? Non mais d'accord, okay, non mais... Si, con. Non mais... Toi, je mérite un coup de pelle. Hein. Mais nous, on n'est pas comme ça. Mais ouais. T'es trop tendre. Non, c'est pas ça. En fait, le problème, Erwan, c'est que là, bon, là, de toute façon, c'est trop tard. Hein, t'as tout mis. Mais c'est que t'as tout trop donné d'un coup. Ouais. Déjà, elle dormait. Mais oui, mais de toute façon, j'aurais pas vu leur parler. Sinon, elle me répondait jamais. Bieber, tu l'as fait avec Bieber. Je pense. Ah ouais. Ouais, mais non, mais ouais, c'est elle. C'est non mais d'accord, mais non mais lui dire voilà, même si tu peux pas y aller avec moi, c'est pas grave, je te paye tout. Et donc avant tu nous dis ouais non mais je veux pas la récupérer, je sais que c'est mort. Oui. Ouais mais je te paye tout, t'inquiète pas. Et à oui, la bah fin même, je j'avais t'aime. J'avais promis. Ouais mais là et le je t'aime à la fin quoi. Et toi tout bah ouais, ton non, pognon. Je dis encore. Ouais ouais c'est ça ton pognon là c'est. Tu te le mets dans le cul. Voilà tu l'as perdu maintenant, c'est terminé. Eh tu sais quoi, je pense qu'elle est elle t'aime encore parce que moi franchement je. Si elle t'aimait pas, t'aurais pas calculé sur l'instant. Elle a souri. Ouais. Elle a souri, la Gladys. Alors que pour le même prix, elle aura pu dire. Elle va te faire enculer au clochard. Voilà. Bon, c'est vrai qu'elle l'a pas dit. Alors, est-ce que c'était parce qu'elle était complètement à l'ouest, complètement crevée? C'est possible. Accroche-toi. C'est possible. Bon, bah écoute. Bah non, parce que normalement, elle répondait même pas aux appels. Donc, quand même, elle a fait l'effort de répondre, quoi. Bon, attends, Dylan. Oui. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que c'est gérable encore avec la meuf, là, ou c'est mort plié, là? Bah, franchement, vu comment elle a répondu... Non, elle dort, la pauvre. Bon, là, elle roupillait, c'est vrai qu'elle dormait. Non, mais c'est vrai qu'elle dormait. Mais bon, quand même, ça fait quand même... Ça paraît un peu mal barré, quand même, non? C'est sûr. Ouais, quand même. Mais j'ai une idée, on n'a qu'à le demander à Valentin. Oui. Voilà une bonne idée. C'est vrai qu'on peut effectivement demander à Valentin. Tu parles de faire foot, tu le demanderas à Valentin. Voilà, mais Valentin, je ne sais pas. Ah, est-ce que Valentin a une réponse peut-être à donner? T'encule, toi, ta mère, ta grand-mère. Merci Valentin. Bon, c'est très agréable de lui poser des questions à Valentin. Il a toujours la bonne réponse et ça, ça fait plaisir. Bon, ben merci Erwan. Hein. Erwan? Il s'est suicidé ou quoi? Erwan! Erwan! Ah ouais, il se tape la tête avec une casserole là! Qu'est-ce qu'il fait? Erwan! Oui, allô? Ah, mais qu'est-ce que t'as foutu, mec? Ah, mais c'est mon micro, il a bugué! Ah, ton micro, j'ai l'impression que t'avais pris une. J'ai l'impression que t'avais pris une téfale et que tu t'es mis dans la gueule! Non, non, c'est mon Blackberry! Ah, d'accord, ok, c'est très normal, bien! Mec. Bah oui, qui c'est ça! Tu veux faire une dédicace ou pas? Ah, y'a plus personne là! Tu veux faire une dédicace? Ah, ouais! Bon, allez, vas-y. Vous me faites chier. Alors, je fais une dédicace à Kerpo, à Adrien TQL, à Batouze, à tous ceux qui me reconnaîtront, aux gens qui me suivent sur Ask et sur Facebook. Et puis voilà. Et puis tous les et autres, Gladys, puis, d'ailleurs, on s'en fout. Oui, bon, enfin, de toute façon, en même temps, je te dis que là où elle est, à mon avis, hein, elle dort, elle s'est pas tuée. Ça marche. Bon, allez, salut Erwan. Bah, salut. Hein. Allez, ciao. Bon, et on va encore faire des appels avec Toff là dans quelques minutes. Et puis, bah, si vous voulez nous parler, les filles, on vous attend là. On en a pas eu ce soir là. Pas beaucoup, les filles. À quoi vous pensez? À qui vous pensez quand vous vous masturbez? Eh ben, venez. Si vous avez peur qu'on vous reconnaisse en changeant de prénom, votre ville, on s'en fout. Polo, je sais. Écoutez, je sais, mais voilà, quand même, voilà, voilà. Donc, mentez. Allez-y. Voilà. Vous appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0. Je veux des filles pour terminer l'émission. Il reste 20 minutes. Allez, faites-moi plaisir. Je vous mets Jessica Sanchez maintenant sur Fun avec Tonight. Allez, je vous attends, mesdemoiselles. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. C'est Mickaël No Limit. Il est 1h40. Il n'y a pas de pub. On est à la cool. Et venez nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter. Hashtag et Mickaël. Je vous attends. C'est Fun Radio avec Jessica Sanchez à l'instant. 23h, 2h. Mickaël No Limit. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct jusqu'à 2h là. Reste un quart d'heure, on va encore faire quelques appels avec Toff. Et venez nous parler les filles là. Je vous attends dans le standard maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On parle de la masturbation féminine. C'est pas vrai. Oui. Si, ah oui, c'est masculine aussi, mais bon, plus féminine parce que c'est un peu plus classe la masturbation féminine. Donc venez nous en parler à qui ou à quoi. Vous pensez les filles pendant que vous vous masturbez? Bah venez nous en parler. Donc appelez maintenant Sandro, vous passerez direct à l'antenne. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Grégory qui dit: je crois que tu l'as fait chier, redis-lui tout ça demain. Oui, c'est possible aussi. Ainos qui dit: demain elle aura oublié son appel certainement. Ah oui, par rapport à Erwan, on vient d'appeler sa copine là. Et Kawel qui dit: mais bon, il faut qu'ils apprennent à communiquer et à avoir confiance surtout. Et puis Tony qui dit: tu pourras avoir un message de bienvenue s'il vous plaît, continue comme ça, vous êtes super. Avec plaisir. En plus, j'ai des petits nouveaux qui viennent d'arriver là. Attendez, je suis là qui est arrivé. Va te faire foutre. Voilà, il était bien aussi. J'ai celui-là. Va te faire soigner, connard. Voilà, il était bien. Tu vas te faire foutre et puis c'est tout. Tu me casses les couilles là. Ah bah voilà. Et puis on a même l'entier. Alors celui-là, je vais avoir difficile à le placer. Hein. Fais pas chier parce que ça va être vite fait. Je vais te mettre sur écoute et tu vas voir ce que j'aurai ton numéro. Je suis prêt à venir te casser ta gueule, toi. Espèce de pourri de bâtard. Voilà, c'était difficile hein. Tout cet amour pour moi. Faut arriver à les placer. Bon, on rappelle Toff. Allez, vas-y. Ah bah c'est parti, on y va. Un petit dernier hein. Si vous avez des numéros, on les appelle en direct hein, n'hésitez pas. Sandro@funradio.fr. Allez, c'est parti. On va récupérer Jimmy aussi dans un instant. Et Maxime. Allez, c'est parti, on y va. On appelle tout de suite pour voir quand ils se masturbent les gens, à quoi ils pensent. Ou à qui ils pensent plutôt. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir à qui vous pensez quand vous vous masturbez. C'est qui ça? Moi, c'est Toff. C'est qui? C'est Toff. Eh ben, Toff, masturbe-toi. D'accord, mais ça me dit pas à qui vous pensez quand vous vous branlez. Ben, je sais pas pourquoi vous m'appelez. Ben, pour vous demander en fait à qui vous pensez quand vous vous branlez. À ta sœur. Ah, vous pensez à ma sœur, donc vous pensez à des inconnus. Bon, bah, fous-moi la vie, j'ai autre chose à faire. Oui, mais c'est quoi votre réponse? Bah, je viens de te le dire, c'est à ta sœur, je pense. Donc vous pensez à des... Quickie. Vous pensez à des inconnus? Des inconnus. Pauvre branleur. Ah, il est pas mal celui-là, le pauvre branleur là. Attends, on va le rappeler, il avait l'air gentil. Ah oui, trop sympa. Hop là, c'est reparti, on en remet une couche. C'est gratuit. Oui, allô? Allô? Ouais. Oui, non, parce que du coup, ça répond pas à ma question. Pourquoi? Bah, je dis, ça répond pas à ma question. À qui vous pensez? Bah ma question, ouais, c'est... je vais te faire parler un petit moment. Oui. Comme ça, demain matin, quand je serai à mon bureau. Oui. Au commissariat. Oui. Et ben, je ferai suivre ton numéro privé que tu mets en cachet. Et je t'aurai, tu viendras à mon bureau après. D'accord. Et on posera la question face à face. D'accord. Ok. Bah, d'accord. Ouais, mais ça sert un peu à rien, parce que là, on est au téléphone, on peut se le dire. Ouais, mais ça fait rien. Moi, je te le dis. Tu me poseras la question face à face et on verra comment je vais réagir. D'accord. Mais ça change quoi? Ça change quoi comme réaction face à face ou au téléphone? Non, non, mais moi je te dis, je t'aurai face à face à moi. D'accord. Et avant vendredi, tu seras dans mes mains. Avant vendredi, ça, c'est court quand même. Non, ouais, mais moi, il n'y a pas pour longtemps pour t'avoir. Ah oui? Je te dis demain ou demain soir, tu es dans mes bureaux. D'accord, ça va être très très dur demain soir, hein, parce que je suis pas disponible. Pas. Hein. Ouais, mais t'occupe pas, tu seras disponible ou qu'on ira te chercher. D'accord, bon. Voilà. On se dit à demain alors. À demain. Ok, bonne soirée. De même. Il était poli, hein? Très poli. Oui, très sur poli. La fin. Ouais. J'aime bien le mec, tu vas venir dans mon bureau, au commissariat. Et alors, on va t'appeler avec le numéro masqué que tu caches. Trouver, ouais. Numéro masqué. Non, ton numéro privé que tu masques. Non, masqué que tu caches, il a dit. Masqué que je cache. Ah oui, masqué que tu caches. Le mec est improbable. Bon, allez, on a Maxime avec nous pour parler justement de la masturbation. Tiens, et avant ça, t'es là, Maxime? Oui. Il y a Fabienne qui disait sur le Twitter qu'il dit la masturbation féminine n'est pas plus classe. Par contre, elle vous fait kiffer les mecs. Oui, mais non. Oui, elle fait kiffer. Mais non, oui, elle est plus classe dans le sens où c'est quand même plus joli, plus propre de caresser un petit bouton que d'avoir une espèce de tuyau dégueulasse là. Enfin, moi déjà, je trouve le corps d'un mec, je trouve ça moche. Sale, alors, le sexe, n'en parlons ça pas. Ça pue, c'est dégueulasse. Mais exactement. Donc voilà, je trouve ça crade. Donc c'est, je trouve ça plus classe. Ah oui, c'est propre, voilà. C'est beau. C'est une œuvre d'art. Voilà. Enfin, ça dépend. Qui. Ouais, ça, ouais, bon, parce vrai. Que quand t'as plein de poils et que c'est mal entretenu, enfin bon, bref. Bon, allez, Maxime de Lyon, comment ça va? Ouais, ça va. Bon, bah, bienvenue à toi, Maxime. Bon, comment ça se passe au niveau de la masturbation? Tu penses à quoi quand tu te peluches? Bah, moi, je pense à mon ex que quand je la prenais en levrette. Ah, ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, ouais. Et quand j'entendais les claquements. Ah, oui, c'est ça, oui. Le pire. C'est le mieux, hein. Ouais. Bah, ouais. Mais pourquoi c'est ton ex? Hein? Je dis pourquoi c'est ton ex? Une grosse conne. Parce que elle est sortie avec son meilleur pote en ce moment. Ah dommage. Ah elle t'a viré? Ouais. Ah oui, mec. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est les choses qui arrivent, hein. Il était peut-être meilleur que toi, Maxime. Bah ouais. Bah ouais. Bon attends, il y a Anna qui vient débarquer aussi là de Charente-Maritime. Salut Anna. Salut les gars. Comment ça va? Ça va, je suis dans ma voiture, je me fais chier. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Anna? Attends, parce que toi, il est chocolat brésilien, il n'a plus fait depuis minuit 30 là. C'est ça. Il vient ouf là. Combien mesures-tu? Calme les claquements, toi aussi. Ouais, ouais, attends, Maxime, attends. Calme-toi. Voilà, doucement, je comprends rien ce que vous dites. Anna, combien mesures-tu? Je vais mesurer 1m65, je crois. Combien pèses-tu? Je sais plus, j'ai maigri. Je sais pas, 58 ou 60, je sais plus. Oh, ça va. Allez, on va dire 60. Quel est ton tour de poitrine? Ah, il a maigri aussi. Ouais, d'accord, mais combien? 1,85C, je crois. Ça va. Oui, bah c'est pas grave s'il a maigri à C, oui. Ça reste bien. C'est bien. Et mais avant, c'était combien alors? Avant? S'il a maigri, il était à combien? 95, combien? Avant, je faisais du 90E. Ah oui. Ah ouais, il a bien maigri, ouais. Bah c'est bien, reste là-dessus, hein. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Le dernier? Oui. Bah là c'est du 38. Oh qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, très bien là, t'as bien fait de nous appeler, hein. Ah oui, là c'est oulou. T'as fait la soirée de teuf là. Oh, je vais bien dormir ce soir. Ah oui, là il va bien dormir grâce à toi. Ah Anna. Ben, ça va alors. Bah ça oui. Bon Anna, alors quoi, quand tu... Bah pignon, je recommence. Quand tu te masturbes, tu penses à quoi toi, Anna? Bah Enfin, à qui plutôt? À une star ou à un inconnu? Je pense à Polo. Oh non, ça va. Non, je pense à mon chéri. Oh, c'est mignon. Bah, mais le principe de la masturbation, c'est de pas penser spécialement à la personne avec qui tu es. C'est le fantasme, c'est l'imagination. Ah, ben oui, mais moi, non. Parce que avec la personne avec qui tu es, tu le fais avec elle. Bah oui. Et alors? Et t'imagines, t'es avec ta meuf t'es avec ton mec en l'occurrence là dans le lit, et tout, lui de faire l'amour, et t'es en train de te branler. Tu penses à qui? À toi? C'est ah nul. Bon, bah génial. Bah oui. C'est ça. C'est comme un boucher qui mangerait que de la viande. Ah parce que tu crois que rapport, j'ai dit moi que non plus. Que j'ai dit que quoi, je pense à quelqu'un d'autre. Mais non, mais tu sais, des fois, il y en a qui pensent, peut-être, je sais pas moi, tu pourrais penser à Leonardo DiCaprio, à Brad Pitt, à Apollo Dieu. À quoi ça servirait de penser à des stars? Ils disent ce qu'ils veulent, pourquoi nous, on voudrait d'eux? Bah, je sais pas, justement, parce que les mecs sont bien foutus. Attends, oui. Je suis tombé sur une photo, c'était un truc d'Armani, où il y avait un mec normal, entre guillemets, qui posait. Ouais. Et Cristiano Ronaldo, je peux te dire qu'il était quand même bien dessiné, hein. Bah, le truc, c'est ouais, mais est-ce qu'il était bien redessiné? Ouais. De quoi, Anna? Parce que je t'entends mal. T'as le kit main libre, là? Bah, je suis en voiture et avec les flics, c'est pas facile, quoi. Avec les flics? Bah, ouais. Ah, ouais, mais il fallait t'arrêter. Bah, ouais, mais non, parce que j'ai encore une heure de route, donc. Merde. D'accord. Bon, c'est et pas grave. Et j'embauche à 7h demain matin, donc non. Ah, merde, mais tu viens d'où, là? Eh ben, là, j'ai été chercher ma carte bancaire. Ah, 1h du matin. Mais oui, normal. Mais non, c'était avant. Ah. Et du coup, j'ai fait l'aller-retour dans la soirée parce que je travaille à Saint-Jean-d'Angély. Et tu mets tant de temps chez Bruno. Je mets tant de temps, mais non, mais c'est que j'ai mangé, j'étais voir ma grand-mère, j'étais voir mon cheval, enfin voilà. Ton cheval, bien sûr. Et donc j'ai chargé la charrette et je suis rentré voilà. en ville. Exactement, oui. Ah, il était là, il va bien le cheval, comment il s'appelle? Il s'appelle Tinouk. Eh bah donc le pauvre. Putain. C'est dur hein, Tinouk le cheval quand même. Enfin bon. Bon bah très bien, donc toi tu te masturbes en pensant à ça, donc c'est parfait, très bien. En pensant à ton mec, parfait. Eh bah merci à toi là. Bah super. Merci, et gros bisous hein. Ouais, gros bisous. Salut, ciao à toi Anna, bye bye. Jimmy est avec nous également maintenant là. Bonsoir Jimmy. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut ça va? Salut à ton équipe, à toi. Bah écoute, ça va. Bon, très bien. Alors, Jimmy, t'as eu au téléphone? De quoi? Je dis, c'est pas la première fois que j'étais au téléphone. Mais non, mais sois le bienvenu, c'est pas parce que tu passes une fois que tu ne peux plus passer, tu sais. Tu es toujours le bienvenu. Ça, voilà, exactement. Bon. Sur une chaîne concurrente. Oh, mais alors, ça fait longtemps, effectivement, oui. On a oublié. Bah voilà, écoute, le principal, c'est aujourd'hui. Bon, alors, Jimmy, toi, tu nous appelais parce que, oui, parce qu'on a dit qu'on allait passer vous voir, on allait faire des émissions en direct de vos villes, et donc on cherche la première ville où aller. Voilà. Ouais. Donc, je vous ai demandé de venir vendre vos villes pour voir. Bon, on les achète pas, hein, mais c'est pour venir. Mais voilà, vendre vos villes pour voir quelle était la meilleure ville pour le premier déplacement. Alors, il y a eu beaucoup de messages, évidemment, les Lillois qui sont réveillés, il y a Nancy, ouais, mais comme vous dites qu'il y a plein de bonasses, pourquoi vous venez pas à Nancy? C'est vrai. Et c'est vrai. C'est une bonne question. C'est une bonne question, effectivement, pourquoi pas. Il y avait Marseille qui s'était réveillé également. Alors le sud, pourquoi pas. Je mettrais plutôt le sud vers le mois d'avril. Ouais, il fait un peu frais pour aller dans le sud. Pourquoi pas. Et toi, t'es d'où, Jimmy? De Castres. De Castres. Sud, mais sud-ouest. Sud-ouest, exactement. Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'il y a à faire à Castres? En fait, c'est juste une des meilleures villes de France, parce que Castres, déjà, l'année dernière, on a remporté le bouclier de Brennus au rugby, pour les amateurs. Ouais, mais enfin, ça veut rien dire. Hein. Ouais. Non, mais bon, on en remporte un autre cette année. Ouais. Et je t'ai envoyé une photo. On a juste, en fait, un truc assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on a une rivière qui passe, et il y a beaucoup d'immeubles. C'est vrai que c'est exceptionnel. Dans d'autres villes, il n'y a pas de rivière. Et il y a beaucoup d'immeubles de quoi? Il y a beaucoup enfin tous les immeubles sont construits justement autour de cette rivière, mais juste au-dessus en fait. Donc faut que tu regardes la photo, c'est juste. Bon, j'irai voir. Tu m'as envoyé ça où? Sur ton Facebook. D'accord, bah écoute, je vais aller voir. J'ai un peu de retard sur Facebook. Hein. Désolé pour ceux qui j'ai pas encore répondu. Rassurez-vous, ça va venir. Je suis juste un petit peu, un petit peu en retard. Ah bah voilà, c'est bon, je le vois là. Ah ouais, avec des lumières bleues là en bas. Ouais. C'est ça. Ah ouais, non, sympa, ouais. Donc ouais, après on a beaucoup de barbe, c'est une ville très animée la nuit. De barbe? Non, de barbe. Ah. Ouais, c'est le rugby, du coup il est poussé la barbe. On a de la barbe. J'avais compris barbe, quel con, il est tard à mon avis, c'est pour ça. Bon, et vu que c'est le sud-ouest, j'ai beaucoup de filles pour toi si. Ah bah écoute, bah, si tu me prends par les sentiments. Bah c'est ça, c'est pas par les sentiments, c'est par la queue, Tof. Oui aussi, ouais. Bah voilà, c'est ça, parce que ça saurait s'il avait des sentiments, hein. Par contre, je voulais juste. Perso, c'est pas moi qui vais le prendre par là, mais ouais, si ça l'intéresse, je peux lui avoir des rencarts de fou furieux, quoi. Ouais, par contre, j'avais un doute, mais maintenant je suis sûr, Castres, vous êtes archi mal classé en fait. Pourquoi? Bah vous êtes 11ème, quoi. Oui, mais t'inquiète. C'est le classement provisoire. Oui, oui, oui. C'est le classement provisoire. Ouais. Ah, il y a Nathanaël qui dit aussi Mickaël, viens à la boule. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, il y en a plein, en fait. Hein. Il faut. Erika qui dit, venez à Rennes. Pourquoi? Parce que j'y suis, tout simplement. Et on peut dire qu'une cahouette surpasse toutes les femmes de Nancy. On va voir. Le précédent qui dit Mickaël, auditeur qui défendait Brest hier, était à fond, en tout cas, c'est vrai. Benji qui dit, venez à Nancy, c'est de la bombe. Bah oui, c'est vrai, pour le coup, on connaît déjà un petit peu. Il y a Seb qui dit aussi, au Cap d'Agde, moi je veux mon message de bienvenue, avec plaisir, Seb. En plus, on a des nouveaux qui viennent encore d'arriver, là. Les nouveaux qui viennent d'arriver, alors il y avait celui-là. C'est le pourri de bâtard. Voilà. Ah oui, encore un. Tu te fais chier, que cette espèce de con. Voilà, et eh ben voilà, voilà le message de bienvenue, Seb. T'en as eu trois d'un coup même. Et Stéphanini qui dit Tof, il se masturbe devant son carnet de mensuration des auditrices. Exactement. Et Mickaël qui dit tape Tof avec ta grosse pelle rouge. Ben d'accord, avec plaisir. Voilà, j'ai mis la photo de la pelle rouge d'ailleurs, hein, sur le Facebook. Allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Et alors Kawel qui dit c'est vrai qu'une bite c'est pas très beau, Mickaël. Bah c'est ce que je dis depuis le début, effectivement, oui. Bon, bah Jimmy, écoute, on garde la proposition du Castres, c'est vrai que ça a l'air très joli. Ouais, non, ça a l'air sympa. Ça l'est. Donc on n'est pas à l'abri de débarquer, ouais, effectivement. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Jimmy. Eh ben écoute, quand tu veux. Hein. Bon, bah, sans problème. Merci Jimmy, passe une bonne soirée. Hein. Allez, ciao. À bientôt. Ciao. Et on termine avec Dylan avec nous. On fera le top tweet aussi juste après. Dylan, comment ça va, Dylan? Oui, Brenda. Ça va, vous l'équipe? C'est drôle, ça. Tranquille. Oui, on va plutôt pas mal, oui. Allez, un petit coup de pipeau pour terminer, du coup. Hein. Qu'est-ce qui t'amène, Dylan? Bah moi, j'aimerais être connu sur le net, en fait. T'aimerais être connu sur le net? Et moi, je vais baiser ta mère, non? C'était un message de bienvenue. De paix. De paix, d'amour et d'amitié, effectivement. Vous faites chier. Exactement. Sale con. Oh, et ça va, il hein. Y a que toi, de toute façon, c'est une grosse salope. De quoi, tu dis, Dylan? Le Carlos. Le Carlos? Avec le clitoris sur le front, là. Ah, oui, Carolo, c'est les habitants de Charleroi. En bien Belgique. Sûr. Ta gueule, connard. Voilà. Enculé de ta mère, t'es. Mais oui. T'as mis au mot, t'as le clitoris sur ton front, connard. Voilà, il est en pleine forme. Ah, oh, mais il faudrait qu'on le rappelle à l'occasion, hein. Il était tellement gentil. Ah oui, il était si mignon. Bah oui, attends. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Ta mère qui a un grand clitoris, toi. Elle t'a mis au monde, t'as un clitoris sur ton front, connard. Espèce d'enculé. Oh, c'est enfilade. Bon, et donc du coup, tu fais quoi pour être connu sur Internet? Ben, j'ai créé une page, en fait. C'est, en fait, ben, j'accepte des défis. Ouais. Donc Ray aussi j'ai une chaîne YouTube où voilà et j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus connue qu'on va dire mais d'accord. Je sais pas comment. Bon bah balance déjà l'adresse sur le site à l'antenne, hein, ce sera déjà pas mal. Ben je sais pas, vous êtes Facebook là, vous pouvez voir. Ouais. Vas-y, ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Tapez Didoudoudi, accepte les défis. Non mais pourquoi vous ne mettez pas des noms faciles? Ben c'est compliqué, c'est pas compliqué, je veux dire. Bah non mais bon, à écrire, comment tu expliquais que c'est pas super simple quoi, tu vois? Bah, Didou Doudi accepte les défis. C'est pas... Didou Doudi accepte les défis. C'est quand même voilà. Un peu long quand même. Hein. Ouais. Ouais. Bah, ouais, je l'ai tapé et Facebook il s'est pas quitté. Hein. Ah bah voilà. Bon bah écoute, allez voir de toute façon parce que là on va faire le top tweetos. Donc allez voir et puis on en reparle. Dylan, il y a quoi sur ta chaîne? Bah, des défis qu'on me lance. Donc manger des trucs dégueulasses. Hein, voilà quoi. Ah ouais, bah écoute, on va aller voir, on va regarder et puis on va t'en lancer un. On va demander aux auditeurs. Franchement, il n'y a pas de souci. Eh ben, on fait ça, on en reparle dimanche, si tu veux. J'accepte. C'est comme ça, pas de problème, on va réfléchir à des défis. Didou Doudi à accepter les défis. Par contre, tu vas nous envoyer un mail avec le lien parce que. Ouais, envoie-moi ça sur mikael@funradio.fr, ce sera plus simple. Parce que Facebook, il te connaît pas. Bon, on fait comme ça? Bah, y a pas de souci. Ça marche. Allez, salut c'est Dylan. Possible, salut, c'est possible d'avoir un Paxen ou quoi que ce soit? Ouais, ouais, bien sûr, pas de problème. Ouais. Voilà, pas de problème, on va t'envoyer chez Sandro, on va gérer ça, Dylan. D'accord, y a pas de souci. Salut, merci. Ciao à toi, bye bye. Ciao, bonne soirée. Allez, ciao. Bon, allez, top tweetos maintenant. Attention, quels ont été les meilleurs auditeurs de la soirée, les plus influents sur le Facebook de l'émission? Eh bien, nous allons savoir ça maintenant. Alors, cinquième, Touchman. Numéro 5. Touchman 33. C'est à nouveau, ça, il me semble. Non, je crois qu'on l'a déjà eu dans la semaine. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il est récent, quoi. Je veux dire, il est pas là depuis le début de l'émission, ça, je voulais dire. Alors, très bien, numéro 4. Safraja. Safraja, numéro 3. Sheva GTR. D'accord, numéro 2. Let's be free. Non, deux fois sur la semaine qu'elle perd sa première place. Eh oui. Oh putain. De pas grand chose, hein. 12 suites, hein, c'est pas non plus. Ah bah ouais, mais elle a perdu sa première place quand même. Hein. Et le premier, c'est Storm Dreamer. Non. Mais il va être content, il passe un bon week-end. Il a mis un coup de tonnerre dans le classement. Ouais, il a mis un coup de pelle également là. Hein, voilà. Eh ben bravo le chasseur d'éclairs là. Bravo à toi. Il y a Mesut Ozil aussi qui nous écoute. Bah bienvenue, c'est bien. Sur le Twitter qui dit venez à Nantes, la énorme équipe de foot si vous kiffez. Ah, Mesut Ozil qui habite à Nantes et qui veut qu'on aille voir l'équipe de Nantes au football. Que se passe-t-il? Moi je pensais Paris, qu'il allait nous inviter au Real, tu vois, faire un truc bien quoi. Bon, il y a Mickaël qui dit venez à Nîmes là, c'est le top du top. Ah ouais, c'est bien Nîmes. Ouais, j'y ai habité hein, 3 jours. Bah c'est pas mal déjà. Bah, c'est déjà pas... J'étais pas en vacances. J'y ai habité puis je suis parti. Non pas pour Nîmes mais pour une autre histoire. Enfin je vous expliquerai. Dylan qui dit la Lorraine, c'est bien aussi. Il y a moi aussi qui dit Vienne au Somalie, mort de rire. Ah c'est un Somalien. Ouais, il y a des belles meufs sexy. Sébastien qui dit non, le Cap d'Agde et bah pas mal. Et puis Mickaël qui dit je vous écoute chaque soir, dommage que vous êtes pas là le week-end. Est-ce qu'on peut communiquer sur les réseaux sociaux? Bah non. Oui bien sûr Mickaël, ça sert à ça. Et Lilou qui dit ouais venez à Nancy. Bah écoute, on va voir en tout cas, on va réfléchir. La semaine prochaine on se décidera. Et puis on va également mettre le générique. Générique. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ah non, juste il y a Fabien qui voulait passer une dédicace d'abord. Fabien qui était passé nous voir là, ce soir. Ouais. Allez, alors, Fabien. Je vais faire une dédicace à tous mes potes du 91. Très bien. Et ben voilà. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et ben écoute, merci à toi d'être passé. Avec plaisir. Avec plaisir. Fabien était discret, on l'a même pas vu. Ouais. C'est-à-dire qu'il était là ou pas là, on l'a pas vu, t'es dans son courrier, regardez, il était tranquille. Bah écoute, merci Fabien d'être passé en tout cas. Je repasserai. Ah bah avec plaisir, sans problème. Générique de fin, attention, 3-4, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ouvre des bistoffes dessus, c'est toi l'enculé. Enculeur, non, tu comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'es un enculé. Dormir, j'ai toute la journée. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Mais alors, t'as fait un enculé? Tu fais chic, espèce de con. C'est toute salope qui va. Espèce de pourri de bâtard. Qu'est-ce qui se passe ici? Va te faire foutre. Va te faire soigner, connard. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Eh oui, ils sont canadiens. Allez, attention, on y va. Et Lilou qui va débarquer, hein. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ouvre tes pistoffes dessus, c'est toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle, c'est l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Eh ben voilà, c'est vous barrer, c'est un truc de fou quand même. Ça, quelle rapidité. Bon bah passez une bonne nuit tout le monde, on se retrouve pas demain mais dimanche à partir de 20h. Et puis dimanche je suis là puisque j'aurai un petit Samsung Galaxy S4. Oh non, c'est cool ça. À vous offrir, oui, alors que Toff il est encore avec son vieux S3 dégueulasse, tout cassé. Ouais. Bon il est pas tout cassé, il marche bien. Ouais, enfin bon il est quand même. Il y a cassé, supplément crotte de nez dessus. Ouais, oui, supplément crotte de nez effectivement. Oh il y a supplément crotte de nez et plein d'autres trucs. Allez, à dimanche 20h. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Et puis c'est notre ami JB là qui est là le en pleine beau forme gosse là. De la night. Eh oui, au taquet. Au taquet. Comme bon, d'habitude. Tant mieux, parfait. On va passer du bon son dance floor toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'à 6h, l'arrivée de. De Bruno. Je peux essayer. Allez, vas-y. Vous me dites parce que vous êtes un peu le jury. Ouais. On va faire la Bruno Guillon Academy. Allez, vas-y. Oh, t'es mauvais. Ah oui, t'es bon, pas bon là. Pardon. Ah ouais. Non, là, t'es vraiment pas bon. Hein. T'es une grosse salope. Voilà. Non, c'est vrai. Non, mais je pense que tout était dit. Hein. En j'ai essayé. Eh ben, voilà. En toute simplicité, effectivement. Bon, est-ce qu'il y a du bon son d'Ainsflore prévu ce soir là? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on met là? Bah, il y a Stéphanie qui a dit que t'étais moche et du coup, moi j'étais plus beau. Elle t'avait demandé hier toute la nuit le son de Pitbull que t'as jamais mis. Et du coup, je vais lui mettre. C'est faux, je l'ai mis hier. Ouais, bah c'est qu'elle s'est endormie alors. Il est vénère. Il est vénère. Ah si, si, je l'ai mis. Alors là, Stéphanie, je vois très bien qui c'est sur Twitter. Tu me déçois. Eh ben voilà, mais tu l'as déçu également. Bon. Sache-le. D'accord. Elle voulait que je passe le message. Je pense que le message est passé. Tant pis. C'est plié maintenant. Voilà. Jérôme va pas être content. Exactement. Jérôme, le big boss de la radio. Non mais bon, pas bref. Voilà. Bon. Ouais. La bonne nuit. Bonne nuit à vous. T'embrasses Bruno pour nous. Ouais. Très bien. Mais il est déjà là. Mais oui, il est déjà là, évidemment. Il travaille, que tu crois. Salut. Bon, allez, on se quitte avec Pitbull et Kesha maintenant. C'est nouveau, c'est Timber. Oui. Très bien. Oui. Hey, bienvenue dans le Far West. Oui. Oh, yeah. Bienvenue, Toff, il est sur son cheval. Et je vais chercher un Timber à la poste. Et ouais, il est sur son cheval et c'est la fête. Allez, à dimanche, 20h. Ciao. It's going down. I'm yelling timber.